êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui est Assemblage requis. David Ferron nous proposera un petit reportage de tendances sportives. On recevra Lauriane Dano, co-porte-parole du Nouveau Mouvement pour le Québec. Et notre visite guinée du web dans la chronique XCNX. Assemblage requis commence maintenant. Et bonjour, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 7 mars 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe. Charbonneau. Oui, ne l'oublions pas. Charbonneau. Hein? Est-ce que t'es content d'être là? Certain, toi. Parce que moi, je le suis énormément. Oui. Ben, je suis arrivé pile poil, hein? Ben, pendant que je faisais mon introduction à l'émission. Oui. Pourquoi pas? Ben, c'est un bon moment pour arriver. Au moins, t'as pas manqué le « et je m'appelle Jean-Philippe Charbonneau ». Et voilà. C'est la chose importante de l'émission. Je retourne. Bye. Bye! Bye! Et quand tu reviendras, tu pourras nous dire dans quel local on est situé. On est en direct du studio CFA Trois-Rivières. Oui! Je sais, j'ai aucune idée c'est quoi le numéro 10. 1048. Non. Je vais aller voir pendant la prochaine. C'est ça. Faut être au courant de ces informations-là. Si jamais on est pris en otage. Poste 50-50, les gardiens de sécurité là, sont dans le pavillon à 3-4 km d'ici. Oui. Vont venir avec un petit camion. Oui. Nous sauver. Et on va être tous morts. Puis j'aurai le temps de déjouer mes lunettes. Et voilà. aujourd'hui, à l'émission, au programme, on a David Ferron, notre reporter, notre journaliste à l'international, David Ferron, qui d'habitude est avec nous le mercredi matin aux deux semaines. Aujourd'hui, étant donné qu'on n'a personne, on n'a pas François Landry, on n'a pas Jasmine Raymond-Rainville, on n'a pas Anne-Julie Durocher, on n'a personne. Donc David Ferron vient nous sauver. Tel un gars du poste de garde, hein? Des griffes de la solitude. Griffes qui rappellent son introduction de La langue dans ton oreille, sa chronique, où il y a des petits chats. Ah, voilà, c'est dit. Donc, il va être là pour nous parler de CrossFit tout à l'heure. Et parlant de CrossFit, ben, il va nous présenter des extraits d'une entrevue accordée par Nicolas Fournier, propriétaire du CrossFit Trois-Rivières. Donc, ce sera à 8h. Ensuite de ça, à 8h30, toujours avec David Ferron, il va accueillir Lauriane Dano, qui va venir nous parler du Nouveau Mouvement pour le Québec. Quelque chose de politique. Donc, je pense que David Ferron, son objectif aujourd'hui, était de remplacer chacun de nos chroniqueurs. C'est peut-être ça. Et comme le bouche-trou, tu nous parles de sport, parce que d'habitude, on aurait Maxime Bilodeau à 7h30. C'est vrai. Et puis François Landry en politique à 8h30. C'est un show, un vrai sauveteur. On pourrait partir, puis voir s'il est multitâche. S'il peut animer l'émission, faire la technique et tout. Tout. Sans faire jouer dans sa propre langue, comme moi-même ce matin. C'est un bon défi à faire. Seras-tu le relevé? Ben oui, c'est ça. Il va faire peut-être comme dans Baywatch, là, avec les seins qui font... Some people stand in darkness. Bon. Alors voilà, c'est l'émission d'aujourd'hui. Autour de ça, il y aura CNX et un paquet d'autres choses. Mais on débute en musique, bien sûr, avec la formation avec podcast. Et voici le premier extrait de leur album « Dommage que tu sois pris ». C'est « Mon dos n'est pas une chaise ». Assez fou, 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Une chaise, pourquoi tu t'assois dessus? De tout ton poids et de tout ton malaise, j'y ai comme perdu. Ce n'était que de la glaise, nos bottes ont fait de grands trous. Ils se referment comme des pièges derrière nous, comme des pièges derrière nous. Mon dos n'est pas une chaise, toi t'es une antenne brisée. Y'a juste la neige qui rentre dans ton canal, c'est l'hiver à l'année. Tu défends ou tu protèges, tu mets

installer ta machine à son, là, on pourrait faire comme sur les applications Twitter qui sont bébé stressantes. Tu sais, aussi que t'as un nouveau message, ça fait comme. Fait qu'à chaque fois qu'on vient en onde, on pourrait faire ça. Ça pourrait être oui, ça pourrait être une idée de chronique. Sinon, elle vend de chronique. Elle vend en un son de retour de chanson, maintenant. Attends un peu. Oh! Oui, ben on dirait un snooze, hein? Ouais. Quand tu fais comme ton cadran. Comme mon cadran, mais c'est ce que je m'en allais dire, que cette chanson-là m'aurait pas fait snoozer. Oh, ben c'est très bon. C'est Let Me Be de Bears of Legend. C'est excellent sur le palmarès anglophone. Voilà. Ça dépend toujours ce que tu as envie d'entendre. Ouais, c'est ça. C'est toujours le problème aussi d'avoir le son ouvert. Oui, allume ton son sur ton... Un gong! Ça ressemble étrangement au gong dans... Mortal Comeback. Ah, oui, Comeback. Comeback. Mortal Comeback, c'est quand je fais des blagues vraiment mortelles. Je fais un méchant comeback. Mortal Comeback. Ou quand t'écoutes Prise 2, puis c'est ça qui te joue. Bon. Ah, tu sais, hey, parlant de choses de référence geek, comme Mortal Kombat. Oui. Comeback. Combat. Voici à la chronique Geek CNX. .com CNX, ça c'est la chronique de la fierté geek, évidemment. Oui. On aime ça. Et on commence avec les Pokémon. Il n'y a rien de plus geek que Pokémon. Cherche, mais tu trouveras jamais. Non, c'est très, très geek. C'est un artiste, en fait. C'est une petite série de dessins colorés avec papier et crayon, là, par l'artiste et amoureux de Pokémon, Birdie Chou. C'est des Pokémon basic. Tu sais, dans Pokémon, t'as un Pokémon bébé qui va évoluer et va devenir une forme finale de Pokémon à la fin. Je me connais pas pour vous nommer les noms, là. Pikachu. Pikachu, sûrement que c'est sa forme finale parce qu'il est là depuis longtemps. Je me dis que il change de nom aussi. Je sais pas. Aussi. T'as vu toute l'émotion dans ma voix. Pikachu. Bon. Cet artiste-là va prendre leur forme première et va les faire comme s'ils jouaient du cosplay. Quand on est dans des conventions de geek, là, les gens vont se déguiser en personnages. Bon, ben c'est donc les bébés Pokémon qui s'habillent, qui se déguisent en leur forme finale. Ça fait super cute. Oh. Comme si c'était un costume d'Halloween. Oui. C'est très beau. Les Pokémon qui se déguisent en Pokémon. Ah oui. Ah oui. Donc, c'est sur assemblagerequipe.com que vous retrouvez le lien. Ensuite, ah tiens, il y a un gars qui a laissé son ami tester un taser. Vous souvenez peut-être, il y a quelques temps, il y avait un mod, ce qui s'appelle 8.8 million volt shock mod Ninja Sword, construit par un YouTuber qui s'appelait Greek Gadget Guru. Et bien, un autre YouTuber, Jonathan J9969, en a construit un similaire et a pris ça en vidéo. Donc, si on se rend sur assemblagerequipe.com et qu'on clique sur la jolie vidéo, si on arrête ça ici puis qu'on passe à la place, on voit le gars l'essayer se faire taser. Ah! Ça, c'est juste le bruit du taser. Là. Et là, attention, il va se faire envoyer ça sur son bedon. Go! Là, c'est une épée. Là. Donc, c'est un mode, c'est vraiment une épée avec du taser dedans. Ça fait un sport assez dangereux. Ouais, quand même. Ça ressemble un peu à moi quand j'ai touché la chaise en studio. Tantôt, il t'a pogné un... Je l'ai entendu de loin. Là. Ça sonnait comme ça. Oui. Mais je l'ai pas vu, par contre. Donc, je peux pas savoir s'il était vraiment si violent que ça. Là. Non, mais tout à coup, j'ai de l'énergie. Là. Ah, ouais, t'es comme un super-héros. Ouais. Ouais. Ouais. C'est qui? C'est Maxime Tanguay qui parlait de Jean-René Boutin. Oui. De l'émission En deux périodes, qui, lui, ne ressent pas le courant. Oui. Ça passe pas au travers de lui, il peut toucher une clôture électrique puis ça fait rien, c'est tout. Tu m'en as parlé. Est-ce que je peux faire une aparté? Apartheid-moi ça, s'il te plaît. En parlant de gens qui ressentent pas le courant, quand j'étais au primaire ou au secondaire, je sais plus, en tout cas. Quand je vois l'année spécifiquement, s'il te plaît, et le nom de ton professeur à la podcast. Je me mets à stresser. En tout cas, bref, c'était avant l'université, et puis une de mes connaissances, mettons... son nom, son âge et son sexe. Je sais plus, c'était un monsieur. Okay. Mais c'est rendu un monsieur, puis c'était un jeune homme avant. Quand il faisait pipi sur... Il a déjà fait pipi sur une clôture électrique, justement. Puis il disait que ça lui ramenait les deux testicules collés. Et depuis ce temps-là, ils sont collés ensemble. Non, mais je sais pas. Mais j'ai jamais voulu essayer ça. Ça me fait pas trop peur, mais... Aïe. En parlant de gens qui ressentent pas le courant, là... Non, mais moi, je disais, comment t'appelles ça? Pas chamois. C'est quoi le... Non, chamois! Chamois! Ça vient avec Vince. Tu peux échapper ton micro. Tu peux échapper ce que tu veux dessus. Il est toujours propre. Ça s'absorbe. C'est fait en une espèce de tissu, là. C'est bien à la mode en Suède. Ce moment. Non, c'est pas du Suède, mais ça ressemble à du Suède. C'est comme un genre de semi-Suède. Bref, ça fait que tu pognes des chocs électriques très facilement. Ah. Donc, peu importe, à une chaise, au robinet, à de l'eau, n'importe quoi. Et ça me fait peur qu'à un moment donné, je vais pisser. Et je vais pogner un choc. Hey, si jamais ça arrive, j'aimerais ça que tu me textes. Oui, je vais prendre ça en photo. Voici l'effet que ça m'a fait. Ensuite, il y a eu sur l'autoroute l'Interstate 79 aux États-Unis à Harrison County, en Virginie-Occidentale, cette semaine, il y a eu un camion de Lego qui a laissé déverser comme ça des Lego partout sur la rue. Oh. Allez voir ça, les photos de ça. Mais imagine, là, t'es un piéton et tu piles là-dessus. Dans ton salon, il y en a un, puis ça fait mal quand il y en a plusieurs. C'est encore pire. Mais non, j'espère que les gens qui vont ramasser ça vont peut-être donner ça en cadeau à un orphelinat ou un organisme non lucratif. Bref, je trouvais ça drôle. Allez voir les photos. Ensuite, sur Bomberman.com, tu connais le jeu Bomberman? Oui. Oui, c'était fun, hein? J'ai réussi à le télécharger sur mon ordinateur. Pirate illégal. J'approuve pas ses propos. Jean-Philippe Charbonneau. T'es méchant. Donc, sur Bomberman.com, il y a une version bêta de ce jeu-là qui est une version massivement multijoueur et en ligne. C'est ce qu'on appelle un MMORPG de Bomberman sur le web. Jusqu'à 1000 joueurs sur une seule map de Bomberman directement dans votre furteur. Vous pouvez vous connecter à un de trois serveurs. Il y a les serveurs publics en Europe. Il y a des. Il y en a plus que ça. J'avais pas vu que c'était une liste déroulante. Donc, ça vous dit le nombre de joueurs qu'il y a dessus, le nombre de millisecondes de ping, le temps qui reste à jouer. Et vous pouvez jouer en tant qu'invité ou en tant que vraie personne en écrivant votre surnom. Donc, c'est Bomberman qui est une marque de commerce de Konami, nous dit-on en bas de cette page web-là. Mais allez l'essayer, Bomberman. Si t'aimes Bomberman. Je suis connecté. Es-tu en train de jouer, là? Non, faut que j'attende d'être le prochain sur la liste, hein. Bref, tu me tiendras au courant d'ici la fin de la chronique. Un autre jeu quand même assez intéressant, c'est Star Pilot sur Zorph.com, xorph.com/StarPilot. C'est un jeu basé sur Twitter. Donc, quelqu'un qui utilise Star Pilot va mettre une étoile sur un de tes tweets. Tu vas te connecter à Star Pilot et tu vas voir que tu as un crédit sur ton compte. Donc, tu vas pouvoir dépenser ton crédit et poster un tweet sur Twitter dans l'application directement. Ça va apparaître sur leur timeline à eux autres. C'est avec leur propre nom, comme si eux l'avaient posté. Donc, vous pouvez aller poster sur les pages des autres avec ce jeu-là. OK? C'est vraiment très, très cool. Une fois que tu as posté quelque chose, tu vas devenir toi-même un Star Pilot. Et tes 5 stars, à partir de là, vont pouvoir donner des crédits à d'autres gens. Et bref, ça fait un effet d'enchaînement, d'entraînement. Tout le monde va pouvoir poster en tant que l'un et l'autre. C'est un jeu. Et si jamais il y a des problèmes, vous pouvez écrire à Star Pilot qui va bloquer l'accès à la personne. Ah! Ça pourrait être intéressant. Sur les Twitter... Hey, j'ai entendu Danny Janvier hier au dîner de con utiliser le mot Twitter. Twitter? Parce que c'est rendu à la mode. C'est moi qui ai parti cette mode-là. Là. Ben oui, je sais. Je l'ai réentendu. Bah! C'est cool. Alors, je continue? Twitter. Je l'ai dit. Mais il faut que tu t'en sers dans Melon Miel aussi. Ah! Ben, on va se créer une page Twitter pour l'occasion. Non, je pense qu'on devrait. Hein. Hey, non, mais pour vrai, une page Twitter... qui serait Twitter, puis une page Facebook qui serait Twitter, puis les gens pourraient commencer à liker ça. Ah, ça serait... On a quelque chose. On se part à un club là-dessus. Twitter, vous pouvez dire qu'il y a des poissons sur votre Twitter. Voilà. Ensuite, en plus, le logo, c'était un poisson. Ben oui. C'est à cause de ça. C'est un poisson bleu. Oui. Exactement. Voilà. Maintenant, un homme a construit une machine pour enlever la crème de ses Oreos. As-tu entendu parler de ça? Non. C'est un physicien qui s'appelle David Neville qui utilise un genre de processus à la Rube Goldberg. Là, ça, c'est une affaire qui cause une autre, qui cause une autre, qui cause une autre. Bon, dans ces machines-là, on connaît tout ça. Bref, lui, c'est pour enlever la crème de ses Oreos parce qu'il aime seulement la partie biscuit. What? Outrage! C'est vrai. Moi, il me semble que c'est comme le meilleur. Si j'étais justement au dîner de con, je dirais « Espèce d'imbécile de moron ». T'aimer? Non, c'est pas vrai. Je te niaise parce que je t'aime. Là. Mais non, j'ai pas vraiment d'opinion autre que c'est vraiment plus la crème qui est meilleure dans un biscuit Oreo que. Ils ont même sorti les Oreo double crème, tu sais. Tu sais, s'il y avait des triples crèmes. Y a-tu des Oreo. Ouais, j'ai de la misère. Oreo sans crème? Crème à part? Sans crème. Là, je serais vraiment outré. Là, peut-être que je pourrais sortir mon chapeau de gars vraiment outré. Là. Ouais. Mais j'ai pas cette fibre-là, on dirait. C'est quand même un scandale. Scandale! À lui, il avait vraiment besoin d'un nouveau défi. Pour créer ça. Sa vie est plate en tabarnouche pour enlever la crème de ses Oreos, mais bon. Ensuite, c'est cool. C'est des affiches. En fait, c'est l'artiste Baznet qui réimagine le premier tableau de Donkey Kong. Tu te rappelles le jeu d'arcade Donkey Kong? Oui. Il y avait des échafaudages, bon. Mais avec des personnages de d'autres franchises de jeux vidéo. Donc, Doctor Who, Indiana Jones en version Alien, Star Wars, Batman. Je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça vraiment beau. Vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequis.com. Ça ressemble, c'est comme les genres d'affiches. C'est fait très, très verticalement. Et j'imagine que si vous téléchargez la version haute définition, vous pourriez vous faire vos propres posters. Mais il y en a plein comme ça et c'est cute. Ensuite, tu connais Craigslist? Oui. C'est comme un genre de Kijiji. si on veut, mais d'annonces classées où tu peux vraiment avoir n'importe quoi. Tu peux avoir, tu peux te prendre une prostituée là-dessus. Là, ouais. Bref. Tu peux partir d'un trombone puis avoir un chalet. Exactement vrai. D'étape en étape. Ici, donc sur Craigslist, il y a une section Miss Connections où les gens vont pouvoir poster. Bon, par exemple, j'étais dans l'autobus, je t'ai rencontré, tu avais les yeux bleus, tu portais une robe rouge. C'était un très bel homme. C'est exactement là où je m'en allais. Ah, maudit qu'on se voit venir. Donc, cette infographie-là vous montre où se situe la plupart de ces misconnections-là et dans quel état il y a le plus de sortes de misconnections. Par exemple, mettons, tu prends un état. Moi, je connais pas assez les États-Unis pour voir quel état c'était, là, mais mettons, dans tel état, il y a autobus de marqué en gros parce que c'est la place où les gens rencontrent le plus de gens dans la section misconnections. Okay. Donc, t'as McDonald's, station-service, supermarché, campus d'université. Walmart. Miami, là. Check le petit zouizoui. Tu reconnais Miami, quoi. T'es un vrai fan de géographie, toi. Ben, je sais que la Floride est là. C'est vraiment marqué Walmart. Ben oui. Donc, c'est en effet un des endroits. C'est le numéro un, en général, c'est Walmart. C'est incroyable. Mais il y a tellement des belles personnes chez Walmart. Je sais pas quoi dire, là, je suis sidéré. Hey, t'as-tu vu, il y a un état qui s'est marqué at home. Comment tu fais pour avoir rencontré des gens à la maison? Tu sais pas c'est qui. Hey, t'es qui, toi? Je couche avec toi depuis des années. Ensuite, tiens, un autre artiste maintenant, c'est un artiste qui a. C'est Chris Carlson, un artiste de craie, OK? Et il a fait une vidéo en stop motion du jeu de Snake. Tu sais, Snake à la calculatrice, là, au secondaire, oui. Tu pouvais jouer à Snake. Donc, lui, image par image à la craie, en effaçant et en dessinant. Imagine la job. Ça a pris du temps à faire. Vous pouvez aller voir la vidéo, là, je vous la ferai pas jouer en nombre parce que c'est juste une petite vidéo. C'est visuel. Très visuel. Mais donc, avec un effet 3D, tu sais, à la craie, il y a des artistes qui sont capables de faire des dessins qui ont vraiment l'air d'avoir de la profondeur, tout en n'ayant pas pantoute, là. Lui, c'est ça. C'est ça. Mais il y en a pas mal aussi dans l'art urbain, là. Je sais pas si... En tout cas, je le suis sur Facebook. Les gros trous, là. Oui, mettons, il y a des nids de poules, puis il y a comme quelqu'un qui met des mains avec une tête, comme si quelqu'un sortait. C'est carrément. C'est hallucinant. Ça, là, j'ai un respect et une admiration sans profondeur. pour ce gars-là, je le trouve fantastique. Ben, ces gens-là, il y en a plusieurs. Ensuite, vous savez que les Teenage Mutant Ninja Turtles sont de retour à la mode. La mode des années 90, ça revient tout le temps. En fait, ça revient là pour la première fois et ça va revenir dans quelques décennies aussi. Mais maintenant, vous pouvez vous procurer un Chia Pet Teenage Mutant Ninja Turtles. Il y a des choses comme ça que je sais pas si je dois les mettre dans 5 Smith, ça devrait pas être là. Ma chronique accessoire, le gadget inutile, ou encore dans CNX, mais ça, c'est trop geek. Sérieusement, un Chia Pet, déjà, c'est rétro. Personne veut ça en 2013, des Chia. T'sais, c'est l'affaire qui pousse du gazon quand tu mets de l'eau. Ouais, l'herbe à chat. Ceux qui comprennent pas le principe. Là. Mais ça, pour de vrai, là, je t'autorise vraiment à en reparler. Ça existe et ça devrait celui-là, pas. On le garde en réserve. Ouais. Merveilleux. Donc, vous pouvez utiliser Donatello, Michelangelo, puis Fettuccini Alfredo, puis tous les autres personnages des Ninja Turtles. Ben, je suis là à avoir du gazon dans le dos. J'ai pas besoin de l'herbe à chat. C'est parce que t'es comme un chat, pis tu te roules partout. Ensuite, tu sais, une autre chose qui aurait pu aussi fitter dans Sex Smith, ça devrait répondre là, mais parce que c'est pas un produit qu'on peut acheter encore, mais vous pouvez voter pour faire de ça une réalité, c'est Legend of Zelda version Lego. Donc c'est Wes Talbot qui met ça sur Internet et il veut qu'on mise là-dessus. Vous pouvez voter sur Kuso. Moi, je connaissais pas Kuso. Je connais Kickstarter, je connais Indiegogo, mais je connais pas Kuso ou Kuso, C-U-S-O-O. Donc, vous pouvez voter pour que ça devienne une réalité. Vous savez que les Lego sont rendus hors copyright. Là. N'importe qui peut construire des briques Lego sans utiliser le nom Lego, évidemment. Mais bon, bref. Ensuite, celui-là, je ne l'ai même pas regardé. Je ne sais même pas ce que c'est. On va le faire jouer en onde, tiens. Est-ce qu'on l'a ici? Le gars qui veut se faire givrer. Donc, c'est le gars qui demande à sa femme de le gifler pendant 15 jours de suite pour le réveiller. Ah, excuse-moi, je pensais avoir éteint mon fond. J'étais persuadé d'avoir éteint ça. Ah, Colin, j'aurais dû le laisser aller tant qu'à ça. Ah, come on. T'es côté technique aujourd'hui, hein? Ben, des fois, ça arrive. Des fois, ça arrive, mais c'est pas grave. Moi, je suis en train d'écouter une annonce de poulet, là. Cool, je pense que je joue à même sur mon ordi. Ouais! T'es bien timé. Voilà, donc ça, c'est la vidéo du gars qui se fait réveiller par sa copine. Jour 1, jour 2, on vient d'entendre. Jour 3 ici. Clac. Et pendant 15 jours de suite, sa blonde le réveille. Et ça va faire fureur, ça va jouer à vlog, mais c'est comme on s'en fout, là, tu sais. Ouais. C'est bien plate, ça. Puis, mais y arrive-tu quelque chose à la fin? Pas l'air de ça. Why? Pourquoi? Why? Ok, je vais juste avancer jusqu'à la dernière partie. Ça vous tente-tu? Des... Oh, il fait tellement pitié. Tellement. C'est pas comme s'il avait couru après, hein? Ouais. Puis là, il y a des drôles... Oh! Ouf! On me suggère des drôles de vidéos. C'est un gros succès, je trouve, cette vidéo-là. Moi, c'est... Ouais. Est-ce que tu serais le genre à faire ça? Pas en tout. Non, non plus. Non, je vois vraiment pas l'intérêt. Puis tu sais, pourquoi 15 jours? C'est même pas deux. Un mois, un an? Mais deux semaines, OK. Ouais, mais un an, ça m'aurait impressionné. J'aurais fait comme moi, OK, t'es vraiment dédié, tu sais, t'as vraiment essayé. Ouais. Tu veux faire un succès sur l'Internet. Mais là, 15 jours, ouais, c'était peut-être ça l'objectif primaire. D'être le plus poche possible. Non, mais de faire un an, puis après 15 jours, il a fait toi. Ah, ça se peut, ça. Puis après ça, tu fais comme ça. C'était l'idée depuis le début, ouais, de faire 15 jours, ouais. Donc ça, ça n'avait aucun intérêt. Ce qui a d'intérêt, c'est celui-là. Le prochain. Le générateur de police de chat. Police de caractère de chat. Donc, c'est la police Nico Case. Fan Generator, bref, c'est le nom du site web. Et vous pouvez taper des mots et ça met des chats en forme de ces lettres-là. Donc, le gars ou la personne a passé vraiment du temps à placer son chat. Tout le temps le même chat, à ce que je vois, en tout cas. Oui, ça... Sinon, peut-être oui. Deux chats. Ben, il y en a que... peut-être qui est un peu plus pâle. Ah-ha. Je sais pas si c'est l'écran. Ou c'est peut-être le ventre du chat qui est plus pâle, le dos est plus foncé. Hey, tu vois, on débat sur les chats. Ouais, c'est un déchat. Ça, c'est de la déchéance. bref, allez essayer ça. Tapez quelque chose. C'est Maiso et Mondo, les noms des deux chats. Si j'avais juste descendu plus loin dans l'article en bas, je l'aurais su. T'sais. Puis tu peux faire le Smiley Cat. Donc, allez voir ça sur assemblagerequis.com. Le lien est nicofont.upat.jp. Mais retenez pas ça parce que c'est trop compliqué. Ensuite, tu connais les Vines, on en parle une fois de temps en temps dans la connexion CNX. Les Vines, c'est un produit de Twitter, c'est une application sur les téléphones intelligents. Et là, tu peux prendre une vidéo de 6 secondes ou faire un petit montage pour que ça donne 6 secondes. C'est comme un genre de Twitter pour les vidéos, vraiment. Ouais. T'as une limite dans le temps. Et ici, c'est des Vines de Lego. Donc, un peu comme tantôt avec la craie en stop motion. Là, c'est des Lego en stop motion. Donc, les personnes ont pris des plus longues vidéos et ont monté ça pour faire des vidéos de 6 secondes. Et on voit, par exemple, un bloc se faire construire, puis se faire déconstruire. Mais c'est comme s'il y avait plusieurs blocs l'un dans l'autre. C'est comme un genre de poupée russe. Sinon, un château. Sinon, juste un genre de bloc qui clignote. Une pyramide. Je sais pas comment t'appelles cette forme-là. Ce genre de pyramide... inverser une pyramide à l'endroit, une par-dessus l'autre, ce qui fait un genre de cube, mais bizarre. Bref, c'est super cute. Sur assemblagerequis.com, le lien est là. Je vais vous laisser aller voir quelques affaires là, dont je parlerai pas trop longtemps. Il y a une vidéo du championnat international. Je sais pas si c'est international ou juste national, mais en tout cas, le championnat des jeux de mots. Ah! De 1995. Ah, wow! La chose la plus inconfortable au monde. Le champion du pun-off, John Polak. Vous pouvez aller le voir faire des jeux de mots dans cette vidéo-là. Mais c'est en anglais, donc on n'écoutera pas ça. Ça va être trop dur à traduire. Sinon, un photographe qui suit sa copine partout où elle l'emmène. Donc, dans le fond, son principe au gars, c'est qu'il base ses photos sur sa copine comme s'il lui prenait la main et que sa copine l'amenait à des endroits. C'est le principe de ses photos. Donc, tu vois tout le temps le derrière de la tête de sa copine qui a l'air magnifique, mais de dos. Je sais pas, de face. Et puis, c'est ça, on voit donc le dos de la fille et la main du gars. Et puis, le gars prend la photo comme ça. Donc, il se fait amener à plein d'endroits, que ce soit genre là où il y avait les Jeux olympiques dans une ville que je connais pas assez pour vous le dire. Devant un peuple dans une forêt, devant une statue, dans la jungle, en Asie. Sur le bord de l'eau avec un petit canard autour des fesses. Oh, quand il y a des fesses. Ouais. Manum. Mais c'est retouché, ça. Je sais pas, je parle pas des fesses. J'allais faire la même chose. Je sais pas, c'est peut-être tout ça. Des fois, le style, je sais pas si c'est comme un filtre devant son. C'est trop Instagram, hein? Ouais, c'est trop beau. Ouais. Je sais pas. Alors, c'est que. Moi, ça peut être fun. Moi, c'est le fun quand même. Il y a un jeu qui s'appelle Hide the Fart. C'est le premier jeu du pet furtif ou de la flatulence furtive. C'est en coréen. Et on dit que le pet est une langue internationale, donc on va se comprendre quand même. L'idée, c'est que tu dois péter sans te faire entendre dans le jeu vidéo. Ah, subtilement, avec la personne qui te regarde pas, faire le bruit le moins fort possible. Donc, ça s'appelle Hide the Fart. C'est beau, hein? Ouais, c'est pixelisé aussi. C'est du rétro, man. Oui, c'est vraiment rétro. C'est voulu, là. C'est voulu. C'est pas parce qu'il n'y a pas de talent pour faire du beau graphique. Non. Nouveau héros du web, c'est encore un autre chat. Faut-il qu'il y ait au moins un chat dans les chroniques CNX. Hein? Celui-là, c'est selon le Redditor Kagrabuler. J'imagine que c'est son chat à lui. Non, un chat de son ami. Voilà. Avec les pattes déformées Il y a une malformation des pattes, une malformation patesque. Il a de la difficulté à courir et à s'asseoir, donc il s'assoit comme un humain sur le bord de n'importe quoi. Il s'assoit avec les jambes qui pendouillent puis les bras entre les jambes comme un... comme un humain! Puis c'est très populaire sur Internet, bref. Fun, hein? Ça en passe des choses sur le web, hein? C'est le fun. Et finalement... Ah tiens, on va se quitter avec ça. Je pense que c'est vraiment la chose sur laquelle se quitter. C'est un gars qui performe la musique de Ocarina of Time à l'acapella. Il y a une coiffure majestueuse. C'est Smooth McGroove. Imagine si t'appelles Smooth McGroove. Ça a l'air vrai, hein? Ouais. Donc le voici. J'aimerais ça que tu m'interviewes à la radio. Do mec, comment tu traduirais en français? Do mec, McGroove. Mais je me souviens plus déjà du nom du gars. Voir la vidéo sur assemblagerequis.com, on le voit faire chacune des petites voix que vous entendez dans des écrans séparés. C'est magnifique. Au retour de la pause, on continue avec Assemblage Requis. Ben oui. Restez là. Ben, c'est jusqu'à 9h. Ben minimum. Minimum. 9h, 5. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage Requis. Noble pistache, fleur de fruits. Ton jardin de rhubarbe me plaît tout entier. J'en paradigme, j'en paragraphe, j'en parle souvent. Je t'apostrophe entre mon cerveau et ma langue. L'amnésie en journée de ciel. Notre fleur d'atomique sans cesse s'incruste sur mes disques durs. M'oublies-tu? Sur tes disques durs, m'oublies-tu? Fleur de Londres, fleur de Londres, voudrais-tu prendre le thé? Fleur de Londres, fleur de Londres, voudrais-tu prendre le thé? Artefact, pelure de linge et l'or s'enfuit sur ta montre sans chiffre. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. Et ton joli visage ne vole jamais, je ne vais l'oublier. Je t'intègre Violet P. Avec Fleur de Londres. Je me demandais si t'allais le faire pour de vrai. Ben là, je regardais les petites lumières. Il me disait tantôt, quand on est revenu de la pub, j'ai parti une pièce, il me disait, j'espère que... Je pensais que t'allais me mettre en onde. Mais oui, parce que c'est le piton qui est juste à côté de mon micro. Oui. Puis, ben, j'étais sûr que c'était le mien. Puis, je te ferais jamais ça, voyons donc. Ça aurait pu être cocasse. OK. Peut-être une autre fois. Peut-être. Hey, as-tu envie d'écouter la plus longue intro ever? Oui! Et voici son foutu palmarès. Le temps de préparer tout le reste de l'émission pendant l'intro, c'est le fun. Ben oui. Ça donne un petit de... J'ai commencé un tricot. Donc, c'est la chronique Son foutu palmarès où on vous présente une liste hein, parce que les gens aiment ça, les listes. Et comme on est en semaine de relâche, on a moins de chroniqueurs, on peut se faire un petit peu plus de listes. Ah, j'aime ça, moi, les listes. Plus de listes, plus de fun. On commence aujourd'hui, c'est la liste des choses que les hommes trouvent attirantes chez les femmes. Ou que les femmes trouvent attirant chez les femmes, peu importe, mais tu sais. Qu'on trouve attirant chez les femmes. C'est clair comme ça, je pense. Oui. Tantôt, on a une belle démonstration. Oui, c'est toi qui vas être le modèle de ça. D'accord? Donc, selon chatchat.com, les choses préférées qu'on aime chez les femmes. Numéro 1, ou 10, ou peu importe, là, je ne sais pas combien en a de position. Première chose à dire, les jambes. MSN a fait un sondage de quelques centaines d'hommes sur Twitter. MSN a fait un sondage sur Twitter et non pas sur le site de MSN eux-mêmes, tellement qu'ils savent que ça marche pas, leur affaire. Ouais, ça, c'est fort. Donc, ils leur ont demandé ce qu'ils trouvaient le plus sexy et puis ils ont répondu, numéro 1, les jambes. Ensuite, les talons hauts. Oh. Tu sais, ça dépend de la grandeur de la fille, mais oui, j'avoue que les talons hauts, ça peut être bien. Plus hauts sont les talons, plus d'attention les femmes reçoivent. Ah. Ensuite, selon un sondage, encore une fois, leur religion. Avoir une grande importance, accorder une grande importance à la religion pour la plupart des hommes américains. Ça veut pas dire être religieux, mais avoir une bonne attitude moralement, croire en quelque chose au-dessus de soi-même. Et l'homme va se sentir plus près de la femme. Moi, ça, c'est loin d'être sur ma liste. Ça turn off, ça. C'est ça, c'est quasiment sur la liste des points contre. J'étais comme le wow, ça commence avec les jambes, ça... talons. Puis là, tu sais, il y a des petites photos en plus. Oui. Mathieu, je suis pas fait en chocolat. Là. Attirante, petite photo. Ah, je t'ai fait ça juste pour toi, ces photos-là. Mais, là, oui. Ensuite, l'odeur. Ça, c'est pas surprenant. J'avoue que l'odeur, l'odeur qui me repousse va en effet me repousser en général de la femme. Parce que ça me déplaît vraiment. J'ai un odorat très, très développé, on dirait. Je sais pas. À moins que... Est-ce que je suis plus moi-même? Je sens bien. Moi, ça va. Champion. Champion, merci, champion. Merci, champion. C'est le champion de sentir bon. Oui. Un champion. Non, c'est pas si surprenant que ça. Voilà, une femme qui porte du parfum. Par contre, pas trop de parfum non plus, parce que ça, c'est... Trop, c'est comme pas assez, hein? Ben, c'est quoi le contraire, je dirais. Pas assez, c'est comme trop? Non, trop c'est comme pas assez. Non, c'est pas comme, c'est le contraire. Tu sais, les gens qui disent trop c'est comme pas assez. Non, c'est le contraire. C'est pas comme. Bref, je me comprends. Laisse faire. Position numéro 5. Je comprends. Tu viens de comprendre, hein? Oui. L'expression, je trouve, n'est pas linguistiquement correcte, à mon avis. Ouais. Mais bon. La confiance en soi. Évident, faut pas avoir l'air non plus fendante. Parce que fendante, c'est un autre turn-off. Mais la confiance en soi est. Pas. Moi, ce que je trouve cute chez une fille, ou chez une fille, c'est une fille qui sait pas nécessairement qu'elle est si cute que ça. Ah, oh, on le sait? Ouais. Le bonheur. Oh, parlant de photo cute. Bonjour. Ça, c'est moi quand je me lève le matin. J'ai l'air de ça. Avec les cheveux. Je suis pas sûr que ça te fait aussi bien qu'elle. Hein? Non, ouais. Non. Donc, le bonheur chez la fille. Vous attirerez l'homme ou la femme avec un sourire. Voilà, c'est beau. Ensuite, OK, là, on sort des sentiers battus. Vraiment, un coup de théâtre là-dessus. Vraiment. Ben, coup de, si tu avais dit coup de rideau, j'aurais pu dire coup de enlever son rideau parce qu'on dit le dos exposé, un dos nu chez la femme, c'est apparemment particulièrement attirant. Je sais pas, c'est pas au sommet de ma liste. Mais peut-être que oui, la position numéro 7, je sais pas. Montrer de la peau, bref, c'est ce que ça veut dire. Ouais, mais de dos, c'est comme... Si tu vois rien... C'est agaçant, exactement. Lorsqu'un... Pourquoi cette photo-là? On dirait une photo genre d'assurance. C'est, oui, vraiment sur le petit dépliant pour te vendre quelque chose. Ouais. Je la comprends même pas. Utiliser son nom Donc, lorsqu'un homme entend son nom en général dans une conversation, il trouve ça cute. Donc, si la fille est en train de parler du gars en tant que tel, tu vois. Hey, on pourrait essayer ça, Mathieu. OK, excellent. Ben, c'est déjà commencé, Mathieu. Oh, tu l'as dit! Mais c'était pas dit dans mon dos, je t'écoutais. Ah! Ben, j'écoutais qui? Faut que tu utilises mon nom. Jean-Philippe. Voilà. Charbonne. Oh! Oh! Les hanches. Ah. Et la position numéro 9, des hanches, des courbes. Les hommes aiment les courbes, apparemment. En tout cas, c'est pour certains. Hein. Ça dépend. Il y a une question de goût là-dedans. C'est très, très subjectif, ce palmarès-là. Ça, puis la lingerie, hein? De cette photo-là. Colin, que vous devriez avoir les photos à maison sur assemblagerequis.com. Une chance que c'est pas une chronique trop, trop visuelle, mais il y a des accompagnements là, assez... Quel matin, ce matin! Donc, évidemment, on parle de hanches plus larges que la taille, ce qui donne une courbe particulière. Bref, vous comprenez ce qu'on veut dire. C'est attirant. Et numéro 10, que j'aurais mis au numéro 1, moi, mais je sais pas si leur palmarès marche à l'envers, je ne comprends pas la position. Mais bref, on dit la craque subtile. Tu sais, pas nécessairement montrer ses seins, parce que montrer ses seins, ça laisse aucune place à l'imagination. Mais montrer que t'as un dessin, c'est beau. C'est beau! C'est beau! On dirait qu'elle a un serpent sur l'épaule. C'est vrai, hein? C'est un bijou, j'imagine, une broquette. Oui. Ouais, Mathieu. Ouais. Vraiment, j'ai décidé de te dire Mathieu à chaque fois que j'allais faire une intervention. Mais merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vais essayer de trouver d'autres palmarès du genre la prochaine fois parce que c'est pas mal plus intéressant que le. Non, il était très intéressant le top d'avant-hier. On a fait un sur les jouets pour enfants les moins appropriés. Mais moi, je les ai bien aimés. J'en ai d'ailleurs reparlé. Oh! Tu réutilises le contenu, hein? Sur Twitter. Twitter. Ah, voilà! Twitter! C'est fait! Oh, oui! on essaie d'insérer la formulation Twitter. Mm-hmm. Et au lieu des suiveurs, c'est des poissons. Des ouais. poissons sur ton Twitter. Plus on en parle souvent à l'émission, plus ça va devenir un succès. Plus je vais pouvoir prendre le crédit d'avoir créé. Puis plus ça va valoir cher. C'est ça. Sur les enchères, par exemple, sur eBay. Ouais. On pourrait aussi trouver un autre nom à eBay. Ben oui. IC. ICQ, tant qu'à ça. ICQ. Un autre affaire de cul. Ah, voilà. Il n'y a pas assez de ça sur Internet. Ça existe encore. Oui, ICQ, ça existe encore. Et le cul, en effet, existe encore aussi. De plus en plus. Génial, Mathieu. Ben voilà, pour la chronique, son foutu palmarès. On fait ça une fois de temps en temps à Assemblage Requis, puis on aime bien, ça. Moi, j'aime ça. Des listes, c'est le fun. J'ai passé dans tabarnouche aussi. On continue avec une pièce du palmarès anglophone, des nouvelles entrées. En fait, on a écouté toutes les nouvelles entrées cette semaine, sauf celle-là. Il y en avait 5 et vous allez les réentendre au palmarès C'est fou cet après-midi, jeudi, entre 15h et 18h. Mais la seule qui nous restait à entendre, c'est Tao and the Get Down, Stay Down sur l'album We the Common, voici City. C'est ça, c'était le temps qu'on se pratique pour dire le nom. Veux-tu t'essayer? Après? Après. Après. Pratique-toi pendant la chanson, t'as encore 2 minutes 33 et 69, ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça. Finalement, c'est pas si pire, c'est comme du général Tao. Oui. And the get down, stay down. T'es bon. Ben, c'est cool à dire. C'est... Tu sais, il y a des mots comme ça qui peuvent être beaucoup plus difficiles à prononcer. Il y en a qui te compliquent la vie aussi, comme Charbonneau. Ouais. J'ai trouvé des jeux de mots avec ça, ça marche pas. Ouais, ou Jean-Philippe. Jean-Philippe. Jean-Phil. Tu sais que ça, Jean-Phil, les curpipes. Voyons, on dirait le scénario d'une bonne annonce. Hey, on devrait faire une pub avec ça. Hey. Ah oui, on fait ça. Good! Puis je suis sûr que je vais faire ça tellement rapidement qu'elle va sûrement jouer dans le prochain bloc. Oh! C'est ensemble à jouer qui je connais pas. Just to keep here whenever you need. Attention, Jean-Philippe, ça va être à toi de le présenter. Oh, excuse-moi. Oh, attends que j'aille sur la bonne ligne. C'était City. Hey, Tao and the Get Down, Stay Down. Bravo! L'artiste. C'est pas pire, père. Pas pire, ouais. Non, c'est réussi. On prend goût, en fait, à le dire. Exactement. Je trouve que ça se dit, c'est fluide. Il va falloir se donner des signes pour que, éventuellement, tu sais, ça fait déjà, c'est quoi, 7 semaines? C'est la 7e semaine qui est allée avec moi? C'est vrai, on l'avait pas plugué. Non. Cette semaine. À chaque semaine, à date, on l'a dit. Oui. Donc, peut-être qu'on pourrait t'insérer un petit peu plus, revenir des chansons plus souvent, tu sais, pour faire comme c'était vraiment le co-animateur de cette émission-là à la place de juste moi. On va faire ça. Prends ta place, man. OK. Dude Love. Fait qu'on va écouter. Puis là, je vais te couper l'herbe sous le pied. Oui, parce que sinon, j'allais insérer le fait qu'on va recevoir David Ferron dans quelques minutes. Ah, ben, on peut faire ça aussi. David Ferron, qui est un gars d'action, un gars actif, un gars qui est capable de suer, tu sais, quand il bouge lors de ses activités. Uh-huh. Tant sexuel, dit de même. Pour l'instant. Il va nous parler de CrossFit. Comment ne pas faire de jeu de mots? C'est du CrossFit. C'est du CrossFit. C'est de l'entraînement par masturbation. Non, c'est pas ça du tout. On écoute Olinéa. Voici ta plus grande ou grosse? Ta plus belle? Extorsion. Ni l'un ni l'autre, donc. Extorsion. Je vais te laisser présenter les pièces dorénavant. Ouais, mais c'est ta plus grande distorsion. Mais ta plus grande? Non. Plus belle extorsion. Ouais, grande distorsion. T'es pig à moi. Ouais. Pig! Mensonge. Je pensais que c'était pas facile. C'était impossible d'être pig à moi. Ouais. J'ai réussi. Ouais. Bravo. Ta plus belle extorsion d'Olinéa, assemblage requis, musique ça rock, hein? Ouais, moi j'étais en train de chanter, je sais pas si t'as vu, là, j'étais là, on devrait animer comme ça pendant cette émission. On aurait besoin d'aller voir les Kiro. Oh, ben, avec ma scoliose, hein? Oh, oh! Hein? Hein? Dodo. Oh. Dodo. Dodo. Comme l'oiseau qui est disparu avec le temps. Ouais. Les oiseaux de Dodo. Hein, David Ferron? Qu'est-ce que t'en penses? T'es en train de me traiter d'oiseau disparu? Non, parce que t'es encore là. Que, ouf. Et tu chies partout? Non. Ben, je te lâche vois. Mes frites. Lâche ma frite. Lâche ma frite. Ne me réduis pas comme ça. Tu sais pas de quoi tu parles. Ouais, mais j'aime ça surtout quand il y a plein de maillots dessus. Trop loin. Trop loin. T'es encore allé trop loin. On a pas une chanson au thème? Oui, mais on va faire ça au retour parce que là, pour l'instant, c'est le moment de terminer l'heure. Non, on va pas faire ça. David Ferron s'en vient avec sa chronique. Ah, t'as voulu que j'essaie de prendre les devants, là. Je vais te dérouter. T'entendais pas la chanson de thème de fin d'heure? Oui. Oui, oui, oui, oui, oui. Et là, ce serait le moment où je dirais ma formule toute faite et préétablie et qu'on est habitué d'entendre. Au retour, David Ferron, mais pour l'instant, l'info campus. Tu voulais le dire, hein? Dis-le, je te laisse le dire, je vais reculer le thème, mais je retourne. Je recule de 10 secondes, vas-y. Dans la prochaine heure, David Ferron et pour l'instant, l'info campus. Restez là. L'assemblage requis, c'est jusqu'à 9 heures. Wow! Wow! L'élève est à veille de dépasser le maître. Wow! Ben, le maître, là, tu vois, là, il est généreux par rapport à mon entre-gens. Le maître, c'est parfait. Merci. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce jeudi 7 mars 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est encore Mathieu Plante. David Ferron est avec nous. Par contre, juste avant de terminer l'heure, tantôt, on avait annoncé que l'Infocampus s'en venait. Après ça, j'ai joué la pub à la place. Là, après ça, je m'étais dit, je vais mettre l'Infocampus après. Je l'ai pas fait. Fait que je pense qu'on va le faire jouer dans l'émission à la place. Ouais. Hein, on est-tu rebelles de même? Comme si c'était du contenu de notre émission, on s'approprie l'Infocampus. Fait que je vais pouvoir avoir la chance de le réannoncer. OK, ben vas-y. Là, c'est là qu'on le fait jouer. Ouais. Ben restez avec nous, puisque après David Ferron fait sa chronique La langue dans ton oreille. Oui. Puis là, c'est l'Infocampus. Voici maintenant votre capsule Infocampus. Dans le cadre de l'édition 2013 du concours d'affiches scientifiques, la bibliothèque de l'UQTR présente les lauréats du concours 2012. Du 3 au 29 mars, il sera donc possible de découvrir le talent des étudiants au deuxième étage de la bibliothèque. Ce concours a pour but de sensibiliser les étudiants à l'importance de la diffusion de leurs travaux de recherche et de les inciter à utiliser toutes les tribunes qui leur sont offertes. Le 13 mars prochain, le local 10-12 Néré-Beauchemin ouvrira ses portes pour une soirée de musique et de danse latine. L'activité débutera à 19h30 et se poursuivra toute la soirée. Ce sera l'opportunité pour tous les futurs diplômés de faire la démonstration de leur talent et d'admirer celui de véritables professionnels de danse latine. L'événement sera suivi par le party de mi-session de l'AGE UQTR. La direction de l'Université du Québec à Trois-Rivières et le département des sciences de l'activité physique invitent toute la communauté trifluvienne à l'inauguration officielle de la clinique universitaire de kinésiologie. Pour l'occasion, la clinique sera ouverte au grand public pour une visite des locaux. De plus, le personnel de la clinique et des étudiants stagiaires seront sur place pour informer les visiteurs sur les services offerts. L'événement se tiendra le 14 mars prochain de 16h à 18h au local 0012 du Centre de l'activité physique et sportive de l'UQTR. C'était votre capsule Infocampus. Vous êtes toujours à Assemblage requis et là, c'est vrai, Jean-Philippe Charbonneau, Mathieu Plante, David Ferron. Hey, c'est plus vrai que jamais. Plus vrai qu'il y a 1 minute 32 environ avant l'Infocampus. Maintenant, tiens, David Ferron, on l'a dit, il est là. Et pourquoi est-ce qu'il est là? Ben, d'habitude, il est avec nous le mercredi, une semaine sur deux. Là, il est avec nous le jeudi. Donc, accueillons-le. Voici la langue dans ton oreille. Bon Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Mon nom est David Ferron et je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de La langue dans ton oreille pour la prochaine heure. David! Quoi? Pour la prochaine heure. C'est une chronique, pas l'émission, là. Qu'est-ce que tu fais? Ben oui, c'est mon émission La langue dans ton oreille. L'émission que t'as animée il y a un an? Oh ouais, puis vous êtes les deux chroniqueurs bouche-trou. Ben voyons donc! C'est quoi ça? Je pense que c'est le contraire, David! Qu'est-ce que tu veux dire? Comme dans le fond, toi et moi, on anime, puis Jean-Christophe, Jean-Pascal, Jean-René, Jean-Félicien. Jean-Philippe Charbonneau n'était pas l'auteur bouche-trou de nos scripts et jeux de mots douteux. Oh! Je suis juste là pour prendre en note la musique. Caline, hein? Oui. Je me le fais dire. Mais c'est attention, puisqu'on est en surnombre ici. Ouais, on est comme animateur et co-animateur. Jean-Philippe, Jean-Phil Curpip et moi, ma queue plantée. Excuse-moi, Mathieu Plante. Nous sommes les animateurs d'Assemblage Requis. Toi, t'es le chroniqueur de La langue dans ton oreille d'habitude, mais là, aujourd'hui, il n'y a pas de chronique de La langue dans ton oreille, fait que oublie ça. Fait que c'est quoi chez ici de bord? Je pense que tu viens boucher les trous de tous les autres chroniqueurs qui ne sont pas là en semaine de relâche. Parce que Maxime Bilodeau, tu sais, fait la chronique de sport à 7h30 d'habitude. Ouais. Après ça, on a François Landry qui fait la chronique politique à 8h30. OK. Entre les deux, on a Jasmine Raymond-Réville qui nous parle de l'AGE. Donc, évidemment, tu vas nous faire un tour sportif, politique et de l'AGE. Donc, On va faire ce qu'on peut. J'ai comme beaucoup de pression sur mes épaules, là, tout d'un coup. En effet. Plus que tu penses, en tout cas. Bon, j'embarque. Non! Sur ses épaules. Mon dos n'est pas une chaise, comme dirait Alex Podcast. Et voilà. Je me sens épaulé comme c'est pas possible. Bon. Alors, on arrête la mise en scène. Et David Ferron, t'es ici pour nous parler de CrossFit. En fait, comme on l'a dit tantôt, CrossFit, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné juste par ce que la traduction littérale est vraiment l'entraînement par masturbation. Mais c'est pas ça. Non, pas du tout. C'est pas être en forme en faisant des trucs pas très catholiques. Genre se poser sur une croix avec des clous dans les mains. Non, c'est pas même sport qui arrive, ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est quoi le CrossFit? C'est une espèce de training, mais qui va beaucoup plus loin que la simple séance au gym entourée de plein de douchebags qui parlent entre eux. Douchebags et douchebaguettes, là, faut pas être sexiste non plus. Mais non, c'est vrai. Puis, en tout cas, peu importe. Bref, j'ai eu l'occasion de parler avec Nicolas Fournier. Qui est Nicolas Fournier? C'est le propriétaire du CrossFit TR sur la rue Saint-Antoine à Trois-Rivières. Et lui va nous expliquer, en fait, plusieurs choses sur le CrossFit. D'abord, l'entrevue va se faire en trois parties. C'est-à-dire qu'on va écouter trois segments. La première, c'est qu'est-ce que c'est que le CrossFit et les personnes qui vont faire du CrossFit, pourquoi elles font cette discipline-là et qu'est-ce que ça implique, c'est quoi les mythes entourant le CrossFit et pourquoi on devrait en faire. Donc, on va écouter la première partie d'une entrevue avec Nicolas Fournier. CrossFit, c'est un entraînement fonctionnel qu'on jumelle l'haltérophilie, gymnastique et athlétisme en augmentant l'intensité. Par rapport au cheminement de la personne, où ce qu'elle est rendue, puis c'est sûr que chaque membre va s'en repousser. Les mouvements qu'on fait, c'est des mouvements fonctionnels, fait que c'est des mouvements applicables à la vie de tous les jours. Fait que ce qui rend ça un peu plus utile aussi, mais en gros, je dirais que c'est plus l'ambiance, la place, le monde qui s'encourage, qui s'entraide, qui essaye de performer plus aussi. Tous les exercices sont adaptables à chaque personne. C'est n'importe quelle personne qui a un problème avec un mouvement, on le change, puis c'est pas grave. Puis chaque personne va à son rythme aussi. Fait que d'un sens, tout le monde peut le faire, chacun va à son rythme, puis progressivement, on augmente le tempo, puis on augmente les charges. Surtout, le monde dit que le monde se blesse beaucoup. Parce que justement, on pousse l'intensité, on fait des mouvements que le monde ne sont pas habitués de voir. C'est tous des mouvements que c'est pas des machines qui nous aident à les faire, on les fait nous-mêmes. C'est sûr que dans n'importe quel sport, faut le voir comme un sport aussi, en poussant l'intensité un petit peu. Des fois, il arrive des malchances, mais la plupart du temps, quand t'es bien entouré, je veux dire, ça va bien. Ici, on focus sur les qualités physiques, la santé, puis la shape qui vient avec, ben c'est juste un petit bonus. Oui, puis je pense que je passe au travers aussi, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui passent au travers parce que le côté mental aussi joue pour beaucoup au CrossFit, là, quand que t'es au bout, là, t'es plus capable, mais t'arrêtes pas, tu lâches pas, puis je pense que ça se reflète dans la vie de tous les jours. Donc, ce que M. Fournier vient tout juste de dire, c'est que oui, c'est très physique, oui, c'est très exigeant, mais Nicolas, qui est également entraîneur à temps plein et non seulement propriétaire, s'assure que les mouvements soient bien exécutés pour pas justement qu'on se blesse. Et c'est sûr qu'on on ne benchera pas tout le même poids. Là. Mm-hmm. Moi, je bench 400. 400 bang, moi. Je bench 400 bang. Là, tes manches au fur et à mesure, fait que ton workout. C'est toujours le plus facile. Non, mais ce qui est le fun avec le CrossFit, c'est que, tu sais, tu peux, chez CrossFit 3R, c'est que tu peux regarder les chars passer, tu peux faire des mouvements de plus. Parce qu'on regarde des chars. Tu peux regarder les nouvelles voitures, là, la nouvelle CrossFit. La nouvelle CrossFit 2013. T'as pas le temps. T'es trop occupé à assurer. Puis, en fait, pour faire un exemple de workout, c'est que, par exemple, t'as 40 minutes pour faire un nombre de séries X et tu dois le faire avant le 40 minutes. Donc, tu te dépêches à faire des haltères, à faire des push-ups, puis à soulever des ballons de 20 livres au mur. Là, ça a l'air vraiment exigeant, mais c'est vraiment le fun. Et tu deviens assez dépendant là-dessus parce que moi, au début, j'ai commencé 3 fois par semaine et là... Wow! Si 3 fois 40 minutes? Ça dépend. Ça varie tout le temps de training, mais c'est, mettons, 45 minutes d'entraînement tout avec les réchauffements. Les étirements. J'imagine qu'il faut s'étirer. Ben oui, c'est très important. S'échauffer, pas s'étirer, échauffer. S'échauffer. Parce que l'étirement avant un workout, ça vaut rien. Cool. T'écoutes-tu les chroniques de Maxime Bilodeau, toi, des fois? Ouais. Je t'ai pas rendu là. Non, hein? Ah! Il les écoute pas dans l'ordre, parce qu'il a manqué les premières douzaines. Oui, il est arrivé. Comme une douzaine de beignes? Mais exactement. Je fais mon possible, mais des fois, ça rentre plus. Comme une douzaine de belles. Oui, oui. Eh bien, parlant de matière qui rentre, on va continuer OK. à parler. En fait, la deuxième partie de l'entrevue, c'est le parcours de Nicolas, parce que Nicolas ne vient pas de la région de Trois-Rivières, il vient de Saint-Jean-de-Richelieu, et il va nous expliquer, en fait, pourquoi il s'est initié au CrossFit et pourquoi il a décidé de s'installer à Trois-Rivières. Je me suis décidé un jour à y aller, puis j'avais entendu parler de ça, en bien, en mal, puis un moment donné, j'ai juste décidé d'aller voir qu'est-ce que c'était vraiment, puis j'ai jamais arrêté depuis, là. Ça fait 4 ans. La communauté aussi, là, c'est le fun de voir tout le monde qui partage tout sur les réseaux sociaux aussi, là, le CrossFit, là. Tu vois que c'est pas juste ici à Trois-Rivières, je pense que dans tous les centres, il se passe la même chose, tout le monde s'entraide, tout le monde s'aide, puis on voit des résultats partout. Premier CrossFit à Trois-Rivières, puis je suis seul encore. C'est sûr qu'il y a des centres qui disent qu'ils font du CrossFit, ils sont pas nécessairement affiliés, mais des fois ça donne ce que ça donne. En fait, je cherchais n'importe où au Québec où il n'y en avait pas une ville où il n'y avait pas encore de CrossFit, où il y avait un bon marché, un bon potentiel aussi. Puis, j'étais arrivé ici comme un peu par hasard. Je regardais les locaux disponibles à travers le Québec. C'est sûr que je voulais pas m'en aller à Chicoutimi non plus, mais ça a tombé sur Trois-Rivières. J'ai fait un petit peu de publicité, mais sans plus du bouche-à-oreille, du monde qui était satisfait, du monde qui voyait les résultats. Je trouve que c'est vraiment la meilleure chose. C'est sûr que c'est plus long que si on fait beaucoup de publicité, mais d'un sens, quand le monde en parle en bien, c'est tout le temps plus accrocheur. Donc, ce que Nicolas a expliqué en gros, c'est que lui, il s'est dit, je vais prendre un spot là où il y a un terrain pour les gens qui veulent faire du CrossFit. Donc, il s'est installé ici. C'est situé à côté de quoi, ça, à Trois-Rivières, au centre-ville? Ben, en fait, c'est sur la rue Saint-Antoine. Okay. Donc, c'est en face du Vieux-Port et c'est vraiment un beau spot parce que t'es pas trop achalandé par les voitures. Puis, t'as en masse de parking aussi pour te parquer, donc ce qui est très bien aussi. Ouais. C'est plate pour les gens qui aimaient ça aller se faire bronzer après s'être entraîné parce que le Laguna est fermé. Hein. Ah, c'était ça. Il n'y a pas un Laguna à côté, non? Ah, peut-être, oui, mais c'est pas au même endroit. Okay. Je pense que c'est à l'autre bout ou à quelques étages. Après le Bravo, et etc. Okay. Exactement, mais au pire, ils peuvent profiter du soleil naturel. Hein. Voilà! Mm-hmm. Mais je pense qu'après, le workout est tellement fatigué que la priorité, c'est pas nécessairement d'avoir l'air de Pikachu version orange, mais plutôt de te reposer puis d'encourager tes collègues. Ouais. Puis, parce que le prochain workout s'en vient toujours, puis c'est important de s'encourager. Comme Nicolas l'a dit dans la première partie de l'entrevue, justement, c'est important, justement, de s'encourager, puis aussi de se surpasser. Voilà. Et la troisième partie de l'entrevue, en fait, va être divisée en 2 parties, donc c'est pour ça que là, il va avoir l'air... 3A et 3B, c'est ça? Comme notre local. Comme le 1002B, le A. Oui, le A, notre local. Oui, il y a comme partie A, partie B, mais Nicolas dit pas partie A, partie B, mais par la magie du découpage et du montage, il va avoir 2 parties juxtaposées ensemble. Donc la première, c'est les CrossFit Games. Qu'est-ce que c'est? C'est comme les Jeux olympiques, mais version CrossFit. Et c'est des compétitions qui se passent partout dans le monde. en les cross olympiques. Les cross olympiques. Bientôt en DVD Blu-ray. Oui, dans la section avec un petit rideau devant. Oui. Vous n'avez même pas le cœur de regarder. Vous n'êtes pas assez vaillant pour ça. Comment? Je suis une mauvaise foi. Hein? Un peu. Ben, nous autres aussi, en fait, à date, on fait des jokes un petit peu déplacés. Là, on apprécie énormément ton sujet, mais ça nous amène à des drôles de blagues. À crossfitter. Mais vous n'êtes pas les seuls. Mais quand vous en auriez fait, vous allez dire... Ben oui, m'entraîner, c'est clair. Je m'en vais là-dessus. Ben oui, faudrait. J'ai-tu vu une méchante chose envers toi? Non, pas tout. C'est que je suis tellement paresseux. Ne sous-estime pas ma paresse côté bougé, tu sais. Ben oui, après ça, ça a des Apple et des iPhone 10 ans, c'est tellement plus facile que des Windows, tu sais. Ben oui, je suis en train de mes doigts. Ça aussi, c'est du CrossFit. Oui! Oh! Je l'ai fait fitter à mon iPhone 17 pouces. Ouais. C'est Cross Digit. Cross Digit, j'ai la comprendre. Bon. Est-ce qu'on avait un troisième segment en deux parties? Oui, parce que je commence à avoir honte de vous et je suis vraiment ta veille d'animer l'émission, pour vrai, parce que vous me découragez. Je sais qu'au retour, ce sera toi l'animateur. Un jour. Nicolas, de chez CrossFit Trois-Rivières, on l'écoute. Oui, exactement. En fait, j'ai même pas dit de quoi qu'il parlait. Fais donc ça, va. En fait, d'abord, il va parler des CrossFit Games et après ça, il va parler de la clientèle étudiante qui fréquente le CrossFit à Trois-Rivières. Les CrossFit Games ont commencé à être populaires depuis 2 ans, en fait. Puis c'est ça, c'est vraiment l'élite, là, ça fonctionne avec l'open qui appelle, qui est disponible à tout. Tout le monde peut s'inscrire sur Internet, c'est 20$. Puis vous inscrivez, vous pouvez vous situer à travers le monde, c'est ça qui est le fun avec ça. Puis ils prennent les meilleurs, les 50 meilleurs de chaque région. On va aller faire les régionaux. Puis après ça, ils prennent les 2 meilleurs pour aller aux mondiaux. Puis de là, c'est sûr qu'on voit la télé. N'importe qui peut le faire, sauf que pour l'open, pour valider les scores, il faut soit le faire dans un CrossFit affilié avec quelqu'un qui nous juge, ou soit se filmer par vidéo si on n'est pas dans un CrossFit affilié, mais oui, tout le monde peut le faire. J'ai fait une compétition récemment. C'était une petite compétition plus amicale qu'on a faite pour le plaisir, mais j'ai pas été sur la plus grosse scène encore. J'ai majoritairement des universitaires, je te dirais. Hein. Ah oui? La plupart, c'est ça. Je pourrais pas te dire, il faudrait leur demander à eux, mais ce qu'ils ont fait, ce qui a fait qu'ils ont choisi de venir s'entraîner ici au lieu d'ailleurs, je sais pas. J'ai beaucoup de gens qui sont dans qui étudient pour être en kinésiologie ou en chiropratie, tous des métiers qui se rattachent au corps humain. Fait que, d'après moi, ils cherchent à être en forme aussi physiquement, pas juste bien paraître, mais aussi être en santé. Dans la dernière partie d'entrevue, ce que Nicolas mettait surtout en relief, c'est que oui, il y a beaucoup de personnes de l'université qui vont s'entraîner. Je croise des gens de l'université des fois et je fais « Hey, salut toi, tu es en train de crossfit? » Ben oui, c'est vrai. Ah ben oui, je te replace. Mm-hmm. Donc, parce que pourquoi? Oui, pour ceux qui ont des métiers exigeant une forme physique ou qui font la promotion justement de la santé et de la forme physique comme chiropratie ou des trucs comme ça, c'est important d'avoir justement... un corps en santé, mais pas juste avoir des pêtes puis les montrer puis faire « Ouais, salut, tout, comment ça va? » Non, c'est ça. On a beau rire, tu sais, moi, je ris tout le temps de tout le monde. Oui, mais c'est correct. C'est connu. Mais non, j'admire ceux qui réussissent à trouver la force mentale pour s'entraîner. Un jour, peut-être que je réaliserai qu'avant d'enlever 10 ans ou 15 ans à ma vie en faisant absolument rien pour m'entraîner, la première séance de CrossFit est gratuite. Donc, quand, ça? Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Je peux mettre ça chez moi. Ben, tout le temps, en fait, si vous jamais voulez essayer le CrossFit, c'est justement CrossFit Trois-Rivières sur la rue Saint-Antoine. La première séance est gratuite, mais c'est toujours mieux d'appeler à l'avance pour avoir votre place. Puis sur Facebook, vous avez le site, la page Facebook de CrossFit Trois-Rivières. Parfait. Et c'est pas trop loin du plein de poutine, fait que tu peux te rendre après ça à pied. Ouais, pour... comme il y en a qui disent « Ah, ben là, tu vas annuler ton exercice! » Ben oui, mais je veux dire qu'il n'y a pas m'entraîner, tu vois. Là, le problème réglé, voilà. Ben là, c'est parce que tu prends plus de calories dans ce temps-là, tu annules pas, tu fais juste en magasiner plus. On dirait une Marie Lessig. Une grande Marie Lessig. Mais jouée par Bruno Blanchet oui, avec sa moustache. Exactement. Wow, tu fais une belle fille. Mais t'es teen! Ah, je suis arrivé à un bon moment, là. C'est pas toi qui parlais quand on allait découper l'entrevue? Oui, c'est ça. Est-ce que tu vas laisser ce bout-là dedans? Je vais demander à Gustave. Oh, Gustave! Gustave! Est-ce qu'il est dans le coin? Non. Il est où, Gustave? La fenêtre, le jumeau non siamois, mais qui a l'air siamois parce qu'il manque le côté. Dans mes tétines! Il est dans tes tétines! Mais c'est des siamois séparés à la naissance, Gustave. Gustave et David Ferron. Ah, c'est pas Gustave et Anne-Marie? Mais là, je suis toute mêlée. Là. Toi, t'es Anne-Marie, t'es la fille qui connaît David et Gustave. Là. Donc, tu sais, tu connais leur corps. T'es une vedette productrice de porno, c'est bien ça? Ah, trop de détails. Bon, ben, Anne-Marie, tasse-toi. Oh, coup de théâtre. Encore une fois. C'est magique les moments qu'on vit avec toi, David Ferron. Tu restes avec nous un petit peu? C'est psychédélique aussi. C'est férolifique. Les ferronneries. Ah oh, voilà. Oh, non, après les péronistes, les ferronneries. Et comment voilà, les ferronneries. Ouais. Tu restes avec nous parce que tantôt, on parle avec Lauriane Danneau. Oui, puis là, ça va être beaucoup plus sérieux. Oui, là, les niaiseries, ça va faire. Oui, hein? Faudrait qu'on se calme. On va parler de politique un petit peu. Le nouveau mouvement... Oui, en fait, c'est le nouveau mouvement pour le Québec. Qu'est-ce que c'est, en gros, le nouveau mouvement pour le Québec? C'est, en fait, un mouvement qui vise à réunir les souverainistes de tout horizon. Et le but, c'est pas nécessairement... En fait, c'est pas un parti politique, c'est vraiment un mouvement citoyen qui vise justement à créer, par exemple, à faire des soirées causeries ou encore des... congrès, justement, où ce qu'on parle de souveraineté. Et le but, c'est vraiment pas de promouvoir une plateforme politique, quoi que ce soit. C'est vraiment centré sur l'action citoyenne par rapport à la souveraineté. Parfait. Donc, on lui en parle tantôt. C'est toi qui vas la recevoir. Oui, ça a l'air que oui. Là, ça a l'air que je fais tout. Là. C'est ton invité. C'est ta journée aujourd'hui. Ah, puis là, je reviens. Ça a l'air que je reviens au palmarès ce soir à partir de 15h. Avec toi, Stéphanie Paradis et Maxime Tanguay. Ou un mélange de ces trois personnes-là, dépendant de la semaine. Wow! C'est jamais pareil. C'est pour ça qu'on a trois animateurs. Hein. Donc, on va... Ils sont tous bons. Très, très bons. On a une demande spéciale, en fait, de toi et de moi. Jean-Philippe, je pense que tu connais moins. Ouais, non, je connais pas. Jadis Plus. Oui. C'est David qui avait forcé l'entrée de cette pièce sur le palmarès et ça a très bien fonctionné. Ça a été un très grand succès. Oui, ça a été numéro un, montée fulgurante, tout comme Aline aujourd'hui dans le palmarès. Oui, Aline avec deux hirondelles qu'on entendra juste après. Hein? Oui. Voilà. Donc pour l'instant, c'est Jadis Plus et Aléa. Oui. On écoute ça à l'instant, à Assemblage Requis. Vous allez bouger et il y aura du soleil dans vos cœurs. Puis si c'est pas le cas, ben. Non, c'est pas vrai. Soyons positifs. Wow. On respire. Des cages d'or qui se vide fer. Ils sont des feuilles dont se vide rêve. Ils sont que tout lui est promis, mais ils rêvent trop, trop chaud. On veut tout faire pour m'en dissuader. Peine de tout foutre en l'air pour des chimères. Quand l'aléa met, il peut toujours évoluer. Il a tout à perdre et rien à gagner. Joue sa chance, ils sont fous. Son âge, on s'invente plus d'histoire. Des contes heureux. Quand la réalité veut toujours faire, elle a rien à perdre et tout à gagner. Joue sa chance et dans tout. Quand la réalité veut toujours faire, il a tout à perdre et rien à gagner. Qu'est-ce que t'as fait là? Oui, t'as pas fait d'avoir des chansons. Qu'est-ce que t'as fait là? Oui, t'as pas fait d'avoir des chansons. Qu'est-ce que t'as fait là? Oui, t'as pas fait d'avoir des chansons. Qu'est-ce que t'as fait là? Oui, t'as pas fait d'avoir des chansons. Jeu de hasard. Coup de dé, aléatoire, rien n'est fixé. Ils hésitent, ils s'en foutent. Quand l'aléa met, ils peuvent sol, mon refuge, camisole de force. Vas-tu réaliser qu'est-ce qui te rend paralysé? En plein jour, fais encore nuit, t'es endormi, paralysé. Lève la tête pour tes rêves, marche ou crève, sois pas lazy boy. Laisse la chaise, moi je pars. Jeunesse Plus et Alias. Assemblage requis. Je suis content. T'es content ou contente? Content. OK. OK. Ben là, c'est David Ferron à qui on parle parce que, tu sais, pour ceux qui suivent, il y a David Ferron, il y a Gustave Lafenêtre qui est son frère jumeau anciennement siamois, mais ensuite séparé, donc il manque le côté. Mm-hmm. Qui ont essayé de se tuer les deux. Je pensais l'avoir décapité de mon coup, mais. Mais non, ça n'a pas fonctionné. Et là, ils ont maintenant, on a découvert qu'ils ont une sœur triplette siamoise. Oui. Qui s'appelle. Ben là, il n'y a pas de consensus. Ben, c'est parce que tantôt était là, mais là, elle est partie. Puis là, on pense. On peut plus demander. Oui. On pense qu'elle s'appelle Marie Melon, mais on se rappelle pas de son nom de famille. Ouais, c'est ça, on a eu Marie Melon Botox. Marie Melon... Botox, c'est bien. Marie Melon. Marie Melon, la zip. La zip. Comme le zipper. De la pêche. Je trouve qu'une pêche, ce serait comme la texture de ses bras, parce qu'il est un petit peu velu du bras. Donc, Marie Melon. De la pêche. De la pêche. Aucune idée. Première de nom. Première de nom. On verra, peut-être que ça changera, mais bref, on va l'entendre fréquemment, je pense, à l'assemblage requis. Là, c'est ah ouais? Marie Melon. Ah non. Déjà assez de Gustave, comme on fout. Comment? Ben, il a dit « Ah non », j'ai dit « Oui, oui, en onde ». Oui, en onde. Marie Melon, on aime ça. Allez. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? acteur, je pense. Pour l'instant, on continue en musique avec une autre pièce demande spéciale. En fait, c'est ta demande spéciale la plus récente des palmarès, celle que tu as réussi à insérer, à faufiler comme un ninja dans le palmarès francophone. Cougar! Cougar, dit un ninja? Cougar! Cougar! Je suis une cougar! La cougaracha, la cougaracha. Ta-da-da-da-da! Hey, c'est Marie Melon! Wouhou! Moi, j'ai réussi à la faire revenir. Oui, à me faire venir. Est-ce que j'ai soif, Marie Melon? D'accord. Est-ce que t'as du lait sur toi? Ah, j'allais traire un bœuf. OK. Mais je comprends pas, il a juste un pis. C'est normal? Juste un pis sur le bœuf? Sur le bœuf qui a un pis, tu prends ton lait dans un bœuf? Ben non, c'est une vache. C'est ma vache handicapée. OK. Il a été séparé à la naissance. Oui, je sais pas qu'est-ce que t'avais avec ces trois autres pis, mais... Il paraît que ça se mange du pis. Oui. Gustative. Comment Gustave? Allez, une deuxième ronde. Assemblage requis. Vous êtes épouvantables, les gars. Regardez ce que vous faites faire. Lauriane, j'espère qu'elle écoute pas ça. Alors, on va passer... C'est qui, Lauriane? Lauriane. Ben oui. Tu peux le par-dessus le gars qui chante, par contre. Oups. Garde tes écouteurs, hein. C'est un sur le bout du nez. Je me fous de tout. retour, on parle du nouveau mouvement pour le Québec à Assemblage Requis. 89 FM, restez là. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Lundi, à Assemblage Requis. Simon Fitzbeat nous suggérera des nouveautés musicales dans sa chronique Fitzbeat. Sébastien Dulé nous fera une chronique de Sotties 80s dans Va voir ailleurs, j'y suis. Et Alexandra Carignan nous parlera d'art et spectacle dans son segment Le temps d'une culture. C'est lundi 7h à Assemblage Requis. Le retour à la normale. Oui, après la semaine de relâche, tout le monde va venir. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 9h. 8h30 juste à Assemblage Requis, toujours avec Jean-Philippe Charbonneau. Oui, toujours avec Mathieu Plante. Oui, et David Ferron est toujours avec nous et c'est lui qui va nous aider à présenter notre invité. Oui, rebonjour tout le monde. Merci encore les gars de m'avoir accueilli en ce jeudi spécial de relâche. Merci de tout faire pour nous. Ça fait plaisir, entre guillemets. Oui, tu fais des petits guillemets, tes petits guillemets. Mais non, en fait, ça me fait un gros plaisir parce que ce matin, j'accueille Lauriane Dano. Qui est Lauriane Dano? C'est en fait une des co-porte-parole du nouveau mouvement pour le Québec. Bonjour, Lauriane. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci de l'invitation. Ben, ça fait très plaisir. Et en fait, on va se tutoyer parce que Lauriane et moi, on se connaît. Puis assez fou, on vous voit rarement, les gens. Hein? Très rarement. Ben oui, on est à radio, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Philippe? On vous voit pas. On vous voit. Wow, on dirait un slogan de station de radio, genre écoutez pour voir, tu sais. Ah. C'est comme copier, fait qu'on le fera pas, tu sais. Non, je pensais pas à ça. Mais bon, en fait, Lauriane, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est le nouveau mouvement pour le Québec? Mais certainement. Donc, c'est une organisation citoyenne qui a été créée en août 2011. Le contexte est assez important là, pour comprendre l'organisation. Le nouveau mouvement pour le Québec a été créé tout de suite après la déconfiture du Bloc québécois, on se rappelle le 2 mai 2011, et après le départ de plusieurs députés péquistes qui quittaient le bateau. Et là, il y a eu un sentiment là, d'urgence en la demeure pour pas laisser l'impression que la question nationale puis le projet d'indépendance commençait à perdre des plumes et tout. Alors, on s'est dit, faut qu'on crée une instance qui va être permanente, non partisane et qui va s'assurer que l'indépendance soit toujours dans l'actualité. Alors, le nouveau mouvement pour le Québec a été fondé par Jocelyn Desjardins en août 2011. Et par la suite, on a eu différentes activités, principalement des assemblées citoyennes où il y avait un thème, on avait quelques panélistes, puis on parlait d'indépendance et on ouvrait les micros pour les citoyens dans un cadre non partisan. Et depuis avril 2012, on organise une activité mensuelle qui s'appelle les Lundis de l'indépendance. Ça se déroule à Montréal. On a quelques invités qui font une allocution sur l'indépendance avec l'angle de leur choix, dépendamment de leur spécialité. Et après, c'est micro ouvert pour qu'il y ait un échange avec les citoyens, le public, et c'est très intéressant. Et toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que c'était... Tu t'es dit un jour, je vais m'impliquer pour le mouvement. Pourquoi, toi, personnellement, Lauriane Dano? Moi, personnellement? Ouais. Parce que je suis indépendantiste à l'os et je déteste la partisanerie. Ça me rebute. Je trouve que souvent, on tombe dans des guerres qui sont plus... apparenté à de la politique aérie. Et ce qui me plaît dans ce nouveau mouvement pour le Québec, c'est que c'est non-partisan. On parle d'indépendance, mais c'est le cœur, c'est l'objectif. Et on n'a pas besoin de se tirailler ou de se faire des attaques entre partis indépendantistes. Notre objectif, c'est l'indépendance, point barre. Donc moi, ça me plaisait beaucoup. Et je sais qu'il y a beaucoup de citoyens aussi qui se sentent déchirés, tu sais, qui disent, moi, quand je viens à voter, si je vote pour le PQ, c'est voter contre Option nationale, que je déteste pas non plus. Et si je vote Option nationale, ben c'est rejeter Françoise David, que je n'haïs pas non plus. Alors, il y a tout ce dilemme-là de se retrouver devant trois partis indépendantistes et de ne pas savoir comment rendre valable valable un vote pour l'indépendance. Ouais. Est-ce que ça arrive des gens qui sont conservateurs ou libéraux et qui sont aussi indépendantistes? Ça peut pas arriver. Oui, ça arrive. Ça arrive? Okay. Ça arrive. Moi, je connais des jeunes libéraux là, qui sont indépendantistes. Bon, à se questionner à quel point c'est un projet qui est important pour ouais. eux, c'est une chose, mais j'en connais. Même chose, l'ADQ ou maintenant la CAQ regorge d'indépendantistes, okay. mais on peut quand même se questionner là, à savoir quelles sont leurs priorités. Puis, mais c'est pas au sommet de la liste pour eux, alors que pour vous, ça l'est plus. Oui. Okay. Ah oui, définitivement. D'accord. Mais d'ailleurs, parlant des partis politiques, c'est comment ces partis-là reçoivent votre projet? Bien, disons que on a eu rapidement la confirmation d'Alexandre Cloutier, ministre des Affaires intergouvernementales, qui a dit « c'est certain qu'on va être présent à votre congrès » parce qu'on on prépare en ce moment un congrès pour le mois de mai où on vise à rassembler les citoyens, les gens de la société civile, les formations politiques et les militants, rassembler tout ce beau monde-là pour discuter de la suite des choses parce qu'on sent qu'on est dans une impasse. Alexandre Cloutier, le ministre, a confirmé sa présence. Il voulait être certains d'appuyer cette démarche-là. Du côté de Québec solidaire, ils ont leur congrès au printemps. Ils vont en discuter à leur congrès, on les comprend. Et du côté d'Option nationale, ils seront présents aussi. Donc, on le sait que ces partis-là seront là. Il y a aussi des citoyens qui sont déjà inscrits, alors ça regarde bien. Oui, excellent. Donc, parlant de vos activités, dont le congrès, mais également vos soirées causeries dès lundi de l'indépendance, en fait, ça, c'est surtout des activités qui sont à Montréal, mais au niveau de l'activité à l'extérieur de Montréal, qu'est-ce qui arrive, en fait, pour le NMQ? Bien, quand le NMQ a été créé, il a commencé par l'organisation a commencé à faire une tournée et des assemblées à l'extérieur de Montréal. Donc, il y en a eu une à Québec, une à Gatineau, une à Sherbrooke, et ça s'est terminé à Montréal. Mais ça, ça fait déjà un an et demi là, que le NMQ est sorti de l'île. Et on le sait que... Il y a une demande là, pour qu'on organise des activités à l'extérieur de Montréal. C'est certain qu'on va avec la mobilisation aussi. Quand on sait qu'à Montréal, il y a déjà, on a déjà un public qui se déplace et tout, c'est plus facile. Par contre, je vous annonce qu'en ce moment, je suis en train de préparer une soirée de l'indépendance à Québec qui devrait avoir lieu début avril. Et on a plusieurs personnes dans la capitale qui se mobilisent, qui ont envie de participer à l'organisation de soirées comme ça, non partisans. Et on le sait que la capitale, c'est assez important sur le plan stratégique parce que on ne peut pas faire un pays sans notre capitale. Et en ce moment, le sentiment indépendantiste à Québec, disons qu'il a déjà été plus fort. Et selon toi, le fait... qu'à Québec, justement, tu organises un événement qui vise justement la participation citoyenne non nécessairement partisane ou politique. En quoi, par exemple, ces soirées-là vont permettre de mobiliser non seulement les gens qui sont déjà convaincus, mais les gens qui sont soit refroidis ou... qui n'ont pas d'opinion du tout là-dessus. Ouais. Ou encore un peu convaincus. Ben, je pense que... Puis à ce niveau-là, je suis d'accord avec Jean-Martin Hossan qui dit... pour recréer une vague, faut en parler avant toute chose. Faut commencer par en reparler, puis susciter un intérêt, montrer que l'idée n'est pas désuète. Donc, en organisant des activités comme ça où on rassemble les gens, on démontre aussi que l'intérêt est toujours là. Et à force d'assurer une présence dans l'espace public, ben certainement qu'on va réussir à redonner le goût à des gens qui ont perdu espoir ou qui ont perdu l'intérêt, ben de rembarquer dans cette vague-là de l'indépendance parce que ça presse. Moi, je crois que de stagner dans le Canada, ben ça suffit. On a besoin de s'épanouir à l'extérieur du Canada. Il n'y a rien de là. C'est pas un projet qui va contre les Canadiens. C'est un projet qui est pour les Québécois. Et ça a fonctionné pour d'autres pays qui sont séparés. Ben, c'est déjà arrivé. C'est pas une nouvelle idée en tant que telle. Ça peut arriver. Oui. Oui, puis parlant de gens très intéressés par la souveraineté et même très motivés, toi, présentement, tu es en études québécoises, le programme de maîtrise de l'UQTR, et dans ce programme-là, il y a beaucoup de gens impliqués dans Option nationale. Oui. Donc, toi, au niveau d'interaction avec ces étudiants-là qui sont très motivés également, qu'est-ce que vous partagez en commun au niveau de la souveraineté? Bien, l'intérêt d'avoir un pays, ça c'est certain, c'est assez central comme intérêt. Autre chose, moi, ce qui me plaît beaucoup du côté d'Officier National, c'est sa capacité à raviver la flamme. Donc, à la fois d'aller chercher des gens qui se sont désintéressés, mais en même temps, là, de convaincre des fédéralistes et tout. Donc, ils sont très efficaces à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est des collègues qui sont indispensables pour faire l'indépendance, mais au même titre que l'indépendance ne se fera pas sans les péquistes. Ça, faut pas l'oublier. Et peut-être que par moment, le discours est très acrimonieux à l'égard des péquistes, puis ça reste le vaisseau dominant du projet d'indépendance. Donc, moi, je pense que c'est important aussi de ne pas oublier qu'on est des frères et sœurs d'armes et que les vrais adversaires, ce sont les fédéralistes, c'est pas les indépendantistes entre eux. Et le discours doit changer. Doit changer parce que si on veut convaincre des nouvelles personnes, on ne peut plus continuer à s'attaquer comme ça parce que les gens vont se dire « Ben non, on n'embarque pas dans votre projet, là. Vous tiraillez entre vous. » C'est important qu'il y ait une diversité d'idées, mais entre indépendantistes, moi, je prône un ton qui est plus cordial. Donc, toi, ton but, c'est vraiment d'être une agente pacificatrice entre les... si je faisais ça comme ça, entre les divers... acteurs. Ben, faut faire attention pour pas se prendre non plus pour les anges de l'indépendance. Là. Nous, ce qu'on prend, c'est un dialogue ouvert entre les forces indépendantistes. On pense que ça urge. On comprend que sur des enjeux de plateforme, de programme et tout, les trois parties ne s'entendent pas sur la vision de la gestion des ressources naturelles ou le système électoral et tout. Par contre, si on veut un pays, il va falloir qu'on trouve une solution. Là. Parce que c'est pas vrai qu'on va réussir à obtenir l'indépendance si on continue à se présenter autant désunis aux élections. Donc, à la fois, le Congrès de la Convergence nationale vise à se rassembler puis à discuter des solutions possibles pour sortir de cette impasse-là en reconnaissant la légitimité des partis indépendantistes. Loin de là, l'idée de demander une fusion des trois, là, on exclut cette idée-là. Par contre, il y a plusieurs points en commun dans ces trois partis indépendantistes-là. Puis, il faut trouver à la fois une solution pour le prochain scrutin, pour les prochaines élections. Donc, de voir comment est-ce qu'on peut s'entendre pour ne pas se présenter aux élections d'une manière désunie, comme on l'a vu le 4 septembre. Ça a donné aussi les résultats qu'on connaît. Mais aussi, tout ça, ça reste dans une perspective d'arriver à l'indépendance aussi. Là. C'est pas juste une joute partie électorale, c'est aussi dans un projet à long terme d'arriver à l'indépendance. Ah, donc un sentiment d'urgence, mais en même temps, mais dans une visée vraiment pacifique et rassembleuse. Le ton doit changer. Le ton doit changer. Nous, c'est ce qu'on prône parce que... Parce qu'en ce moment, on se tiraille entre frères et sœurs d'armes et ça fait pas de sens. Mmh. Ça fait pas de sens si on veut faire un pays ensemble. Puis des obstacles, il y en a suffisamment sur notre route. Des obstacles qui sont mis par le fédéral, qui sont mis par les fédéralistes, que ce soit l'économie, de jouer avec la peur. On l'a vu, dernière élection, Jean Charest a été très efficace de retourner le projet du référendum contre nous. L'idée d'un référendum, maintenant, ça fait peur, ça l'angoisse, alors que c'est une des façons les plus démocratiques de consulter la population. Mais maintenant, si on parle de référendum, les gens sont déjà rebutés. Donc, les fédéralistes là, sont très efficaces pour faire peur, puis enlever le goût, enlever le désir d'avoir un pays. Alors, pouvons-nous, entre indépendantistes, arrêter de se mettre des obstacles sur notre propre route? C'est ce qu'on demande. Bon, parce que je vois que tu as un très grand souci envers la société, mais on va parler de toi. Ah! Oh. Entrevue Chatelaine? Non, en fait... Premier baiser. Non, ouais, non, non. Non, on n'ira pas autant. On va rester dans le substantiel quand même, parce que toi, en fait, dans ta maîtrise, ta maîtrise traite des immigrants. Oui. En fait. Je travaille sur la régionalisation de l'immigration. Et en fait, dans... La question de l'immigration, tu es également impliqué dans plusieurs mouvements et associations pour les aider, notamment à s'intégrer dans la société. Et Dans ce groupe-là, est-ce que tu as eu l'occasion de parler d'indépendance avec... Ben, pour mettre un nom sur l'organisation, ça s'appelle le SANA, le service d'accueil aux nouveaux arrivants. Donc, c'est une organisation qui est basée à Trois-Rivières, mais qui a aussi des bureaux là, dans quatre autres villes de la Mauricie. Donc, le territoire de toute la Mauricie est couvert par cet organisme-là. C'est un organisme qui accueille les immigrants, les réfugiés principalement, et qui les accompagne dans leur installation à Trois-Rivières ou en Mauricie. Donc, c'est très enrichissant là, de côtoyer des nouvelles personnes parce que ça leur... Des nouvelles personnes. Des nouveaux trifluviens ou des nouveaux Mauriciens. C'est très intéressant parce que ça leur envoie un miroir aussi sur notre société puis les forces et les faiblesses de notre société. Moi, j'ai eu l'occasion avec un Marocain d'aborder la question nationale, mais mon implication au SANA n'est pas dans une perspective de faire la propagande pour l'indépendance non plus. Mmh. Je pense que les gens qui arrivent ont des préoccupations et des besoins qui sont primaires, qui ont besoin d'être répondus rapidement, puis de les amener tout de suite dans notre gros débat politique national identitaire, ben c'est moi je pense que c'est très délicat. Faut le faire avec comment dire, faut faire attention pour pas les effrayer parce que principalement les réfugiés, il y a des réfugiés politiques là-dedans, puis les conflits avec l'État, la confiance qu'on peut avoir envers les politiciens ou envers les autorités publiques, des fois c'est une confiance qui a été malmenée pour certains réfugiés. Donc, de leur dire qu'on veut replonger, ben qu'on veut plonger notre État dans un état d'indépendance, de lutte politique et tout, ça peut les effrayer. C'est pas le moment. C'est dans le temps comme dans le temps, peut-être qu'ils y penseront plus tard, mais pour l'instant, on va faire ça. C'est ça. Mais pour des gens qui sont installés déjà depuis un certain temps, moi, j'hésiterais pas, par exemple, ouais, à en parler. Ils sont habitués sûrement à entendre parler dans les médias de toute façon. Ils ont déjà peut-être une opinion là-dessus. Ouais. Moi, ma porte d'entrée pour arriver un peu sur le sujet, c'est toujours sur la langue. Mmh. C'est d'expliquer l'importance du français, puis aussi la lutte identitaire qu'on vit au Québec, pour expliquer aussi pourquoi des fois il y a une méfiance à l'égard des immigrants, pourquoi il y a une réticence quand on les entend parler en anglais et tout. Donc, quand j'explique les luttes identitaires en fonction de la langue, généralement, ça me donne aussi une bonne porte d'entrée pour expliquer pourquoi on veut un pays. Puis, même si je dis que c'est un sujet qui est délicat à aborder avec des gens nouvellement arrivés, ça ne veut pas dire que je vais m'en empêcher pour autant. Quand je sens qu'il y a une certaine ouverture, ouais, pour expliquer pourquoi il y a cette lutte politique-là, j'ai aucun problème à le faire. Mais pour essayer de convaincre ou de les amener dans notre projet, là, ça, je trouve que c'est plus délicat. Puis, il faut attendre que ces gens-là se soient installés. Parce que il y a un taux d'émigration, là, les gens qui quittent le Québec pour d'autres provinces, on a un taux qui est encore élevé. Ça s'est amélioré dans les dernières années, mais il y a beaucoup d'immigrants qui quittent la province du Québec pour aller s'installer ailleurs. Puis ça, c'est un problème qu'il faut qu'on règle. Il faut qu'on trouve un moyen pour les garder. Donc, la joute politique là, de l'indépendance du Québec, des fois, ça peut inciter des gens à partir avant même de bien comprendre l'enjeu. Ah, excellent. Puis avant de se quitter, en fait, pour tous ceux et celles qui se sentent déjà prêts à s'impliquer au niveau du nouveau mouvement pour le Québec, comment ces personnes-là peuvent s'impliquer? De quelle manière ils peuvent, par exemple, te rejoindre ou rejoindre M. Desjardins? Bien, pour l'instant, le nouveau mouvement pour le Québec travaille très fort à la Convergence nationale. Il y a eu une petite confusion là quand ça a été sorti. Convergence nationale, c'est pas une nouvelle organisation. C'est vraiment un projet de mobilisation qui va se concrétiser lors de son premier congrès au printemps, au mois de mai. Donc, pour l'instant, les gens qui voudraient s'impliquer, qui voudraient faire partie de ce grand rassemblement d'indépendantistes, on a un site web, la Convergence, c'est www.convergencenationale.org. Donc, il y a plus d'informations sur le congrès. à ce niveau-là. Autrement, le NMQ a aussi une page Facebook. Donc, vous pouvez aller voir cette page-là où il y a de l'information sur nos activités puis aussi des débats politiques qu'on lance. Et à la fois, Justin Desjardins et moi sommes sur Facebook. Alors, il y a moyen de nous trouver pour poser des questions ou voir comment votre implication peut nous aider. Ah, excellent. En tout cas, Lauriane, merci beaucoup d'avoir consacré ton précieux temps pour nous accorder une entrevue. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Très gentil et bonne chance dans tout ce que tu fais. Merci. Ah, voilà. Merci David Ferron aussi. Ben, ça me fait plaisir et sérieusement, être avec vous trois, ça fait mon matin. Ah, ah. Bon, en plus, on a été sages, là. Vrai, hein? Oui, merci Lauriane d'avoir apporté un peu de sagesse. Dans ces fois, avec David, on a tendance à niaiser un petit peu. David, il est drôle. Oui, et à ne pas confondre, je ne suis pas la fameuse Marie Melon là, que tout le monde attendait. Oh, elle embarque quand même. Ouais. Pas pire. Merci. Elle n'a pas la langue dans sa poche. OK. Ça tombe un peu à plat, ça. Mais... Ben non, mais c'est par rapport à la langue dans ton oreille qui est ma chronique. Oh. Il était loin derrière, ça. Langue. J'avais pas vu venir ça. À la place d'écouter Marie Melon, parce que j'ai pas de pièce qui s'appelle Marie Melon, j'ai Marie Plastique de Tremblay, par contre. Ouais, ça, c'est bon. La voici à l'instant. Vous êtes à Assemblage Requis pour encore une dizaine de minutes. Les yeux des autres. Des filles comme ça, y'en a toutes les sortes. Des beautés gâchées sur Photoshop. Qu'est-ce que tu prouves, à qui tu veux le prouver? Est-ce que tu trouves ou tu fais rien que chercher? Marie Plastique. Ton fer plat, tu travailles trop pour plaire. Ouais, t'as l'air plate, laisse donc tes cheveux se défaire. Marie, t'es belle, pose ton sourire avant que ton visage se déchire. Marie Plastique. Marie Plastique. Ça te voit bien les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu peux rester tranquille, as-tu vu de quoi te l'air? Marie Plastique. Je m'en fous que tu t'habilles en Chanel, en Versace, Gucci, Jean-Paul Gaultier. Tu vaux bien plus que de la ficelle. Marie Plastique. Enlève-en donc, ça te va bien, les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu veux rester tranquille, as-tu vu de quoi t'as l'air? Marie Plastique. Tremblay avec Marie Plastique à Assemblage Requis. C'est donc bon. Avant ça, on était super sérieux et tout et tout. Je pense que ça a bien passé. On est capable d'être sérieux à l'émission. Bravo les gars, je suis fier de vous. Mais merci. Pas plus que 30 minutes, ben, je commençais à shaker un peu. C'est ça, là, à un moment donné, est-ce qu'on faut manger un petit biscuit? Ouais. Un petit biscuit Graham. Ah, oh, merci David. Tu vois déjà que David est en train de flatter la main de Jean-Philippe, Jean-Christophe, Jean-Charles, Jean-L'Autre. Jean-L'Autre, Jean-Melon. Jean-Melon. mais Jean-Melon. Oui, Jean Melon, une histoire à raconter. Ouais, c'est ça, t'es allé faire prendre ta photo de passeport, toi. Oui, écoute, je pense que ça a fait un petit peu le tour de Melon Miel, Chou de Boussel. Bon, j'en faisais un tout petit peu. C'était mardi, là, quand même. Là, oui, c'est ça. Ah. Mais ça mérite qu'on en reparle. Évidemment. Oui, parce que je suis recherché. on dirait vraiment une photo de recherché, là. Écoutez, ben, je vous la mets, là. On dirait criminel dans les années, je dirais, 90. Environ. Oui. On dirait que j'ai le fameux pad. Oui, t'as le pad en arrière parce que t'as les cheveux très très aplatis sur la tête jusque dans ton front. Oui. Et en arrière, on voit juste un petit peu la queue de lapin dépasser. Oui. Mais dans la vraie vie, t'es juste cheveux longs ébouriffés. C'est ça, cheveux longs, foufou. Mm-hmm. Foufou. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je dois renouveler mon passeport. Et puis, ben, c'est ça. Tu t'en vas où, là, avec ça, un passeport? Là? À New York. New York, ok. Oui, ben, c'est ça, j'ai. En fait, c'était par prévention, là, puisqu'il expire comme cet été. Okay. Mais tu sais, ils disent tout le temps, ah, 6 mois, elle doit être 6 mois valide après la date de départ. Bon, en tout cas, ça a l'air que finalement, je vais pouvoir partir pareil. Là. Bref, parce que je pourrais pas partir avec cette photo-là, ça c'est ben non, certain. Ben non, ça c'est certain. Arrêter, mais non. Donc, j'arrive chez Jean Coutu, puis écoute, la demoiselle qui m'a servi était tellement sympathique. Sarcastiquement ou non? Non, elle était vraiment très gentille. Et puis là, parce qu'on a eu un bon moment pour finir comme ça, c'est la photo finale. Si vous voulez la voir, elle est sur la page Facebook de Melon Miel et Chou de Bruxelles. Oui, tu vas la mettre sur la page d'Assemblage Requis aussi. Oui, sinon, je peux peut-être aussi taguer. Je pense que ça marche, ça, si je tag Assemblage Requis. Oh, j'en ai aucune idée. Facebook, je trouve que c'est du gros caca en ce moment. Donc. Ben, tiens, c'est fait. Voilà, Assemblage Requis est tagué. Merveilleux. Donc, allez voir ça. Ça vaut la peine quand même pendant que je la décris. Vous allez pouvoir avoir peur en déjeunant. Donc, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que une des règles à Passeport Canada, c'est qu'il faut voir les deux oreilles. Mais oui, okay. Semblerait-il que ce n'est pas ça qui est marqué, c'est qu'il faut soit voir les deux ou aucune. Mais j'ai pas encore vérifié. Tu peux pas montrer juste une oreille. Non, parce que là, ça serait non les. Non, ça veut dire qu'il aurait fallu couper l'oreille, ça veut dire? Oui, oui, clairement. Mais si, mettons qu'il y a une coupe de cheveux, que c'est rasé d'un bord puis long de l'autre, il faut qu'il mette les cheveux en arrière. Il va falloir qu'il s'arrange pour qu'on voit les deux oreilles. Wow, OK. Donc, l'objectif de départ de cette photo était qu'on voit mes deux oreilles. Oui. Et puis, bon, tu vois, là, j'ai pas mal de cheveux. T'as des cheveux par-dessus les oreilles, mettons qu'ils sont longs jusqu'à à peu près à tes sourcils, et cette longueur-là tout autour de la tête. Bon. Exactement. Et plus encore. Et plus encore. Oui. Et puis, là, elle me dit, oh, tu sais, attends, je vais te sortir du matériel. Fait que là, elle sort un élastique à cheveux. OK. Tu sais, j'ai les cheveux longs. Attends, j'y arrive. j'ai les cheveux longs, mais pas assez pour me faire une couette. Non. Tu sais, fait que ça sert à rien. Tu sais, j'essaie de faire comme je vois les filles faire. Hein. Tu sais, je me prends les cheveux, là, je fais ouh. là, j'essaie de me faire une couette. Puis finalement, tout ça pour me rendre compte que c'est la seule chose que ça enlève, c'est des cheveux en arrière. Ouais. Mes cheveux sur le côté sont encore là. Ouais. Fait qu'elle dit, ah, attends, ben, j'ai des bob épines. Je vais te mettre des bob épines. Bob épines. Bob épines, oui. Et puis, c'est ça. Elle met des bob épines, puis là, tu sais, c'est sans suivi des photos, là, parce qu'à chaque fois qu'on rajoute un accessoire. Elle ne cherchait pas pour chaque shooting. Non. Donc, peut-être qu'elle me trouvait mignon, puis qu'elle voulait des clichés de moi, pas représentatif. Mais bref, j'ai commencé à avoir chaud aussi à ce moment-là. Parce que chez Jean Coutu, c'est pas fermé, là. Non. Genre, j'étais en milieu d'une allée. Ouais. En milieu urbain. Oui, non, mais tu sais, il y a des gens qui achetaient des affaires. Ouais. Je suis devant le line-up, genre de la caisse. Mm-hmm. Puis moi, je suis assis là. Puis elle est en train de me. J'ai l'air de ça, là. Je me regarde. Puis j'ai l'air de ça. Les cheveux aplatis en avant, un petit peu suant, un petit peu peut-être. Ben, c'est parce que je sortais de la douche. C'est ça. Okay. Il était pas sec encore. OK. Puis juste un petit peu de la queue en arrière. Ouais. De la queue de cheval qui était de côté. Donc, c'est ça, j'ai commencé à être un petit peu comme faire rire jaune, tu sais, comment c'est drôle. Va se finir, ouais. C'est ça, mm-hmm. Je commence à être tanné. Là. Et puis là, elle fait attends un peu, là, on va te maquiller. Là, je fais voir. Wow, c'est sûr que c'est une blague. Là. Mais non! Coup de théâtre encore, elle sort son petit truc de maquillage, puis elle fait. Ben, c'est parce que. Ben, elle liaisait. Non. Du fond de teint, quelque chose? Ouais, elle m'a mis du fond de teint plein à la face. Parce que ça a l'air que ça faisait des reflets avec le flash. Je luisais, sinon. Je luisais. Puis ça, c'est des règles, tu n'as pas le droit de luire. T'as pas le droit de luire. T'as pas d'être luisant. Luisant. Fait que c'est ça. Écoute, c'était interminable. Ça a duré 10 minutes, mais j'ai l'impression que ça en a duré pas mal, une heure et quelques. Et puis, à la fin, en fait, elle continue à me prendre en photo. Puis, elle a fait, écoute, j'ai demandé à ma collègue de prendre le relais. Ah! Mon chef est fini. Elle était tannée de me prendre en photo. Donc, elle a passé l'appareil photo à sa collègue. Sûrement qui s'appelait Sylvie ou Monique. Là, elle avait l'air d'avoir de l'expérience. Oui, oui. Donc, là, elle fait comme, OK, on va te prendre ça en 3 secondes. Tu regardes ça. Ah, ouais. Puis, elle dit, écoute. Puis là, c'est quasiment, et je cite, t'sais, est-ce que t'as fait ton passeport, Mathieu? Est-ce que je sais pas si t'as... Non, jamais. C'est quand même un long processus. Moi, j'ai fait la carte d'assurance maladie, ça a pris 5 minutes, c'était fait, non? Non, c'est ça, mais ça, c'est pas vraiment pareil. Mais c'est la pharmacie aussi. Oui, c'est vrai. Mais mettons, passeport, surtout si c'est ta première fois, t'as comme un questionnaire à remplir. Puis il y a une dame qui m'a dit que j'avais l'air d'un gars du Moyen-Orient, là. Fait que je sais pas si j'ai l'air d'un terroriste ou quoi. Ah, oh. Ça serait sûrement des gros sourcils, peut-être. Peut-être juste ça. Peut-être. Alors, il s'est acheté un froid sur la conversation. Mais je sais pas quoi penser de tout ça. Mais bref. J'en étais où? T'étais donc, on parlait de photos, la fille oui. a pris le relais, ça a pris 3 minutes. Oui, c'est ça, le processus qui est interminable, un peu comme cette histoire. Un peu. Similaire. Le processus qui est interminable pour avoir un passeport. Et la fille a juste dit, écoute, essaye-toi avec ça, puis tu reviendras. Ah, wow, peut-être que ça revienne. Est-ce que ça a été accepté? Je garde cette photo-là. En fait, tu peux revenir, donner tes photos, okay. Y en reprennent d'autres. Mais cette photo-là est rentrée dans les annales des Charbonneaux. Des Chanals. ça n'en sortira plus. J'en ai tagué une sur mon frigidaire avec un petit aimant. Puis. Mais utilise-la pour ton prochain permis de chasse. Ah oui, c'est vraiment ça, d'avoir c'est un bon, animal. Je suis pas sûr qu'ils vont me donner un permis de port d'armes avec ça. Voilà. Merci Jean-Philippe. Si jamais vous voulez réentendre cette anecdote, elle va rejouer dimanche après-midi dans Menon Miel et sur Bruxelles, presque intégrale avec les mêmes questions, les mêmes blagues, tout ça. Puis hein? Peut-être demain dans les meilleurs moments. Sûrement. Exactement. Tu sais, vraiment, on l'a jamais pousse assez. Au bout, là. On tire. Mais j'aimerais quand même remercier la demoiselle Jean Coutu qui était fort sympathique. Non, mais l'autre, Nancy. La première, ouais, c'est bon ça. C'est bon? Qui était assez sympathique et qui m'a fait permettre d'avoir quelque chose à dire à la radio. C'est parfait ça. En hommage à ça, on va se quitter. Ben en fait, on va. Parce que si on se quitte là, on va se quitter là parce que le temps file. On va se quitter avec Karim Ouellet et le Lapin Blanc. Ça va être beau, hein? Ah! On va se quitter avec ça. Pour l'instant, c'est la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. Merci à David Ferron. Ben ça me fait plaisir. Merci encore les gars de m'avoir accueilli. Merci à Lauriane Dano. Oui. Merci à tous les autres qui n'ont pas pu être là, mais qui vont être de retour la semaine prochaine. François Landry, Jasmine Raymond-Réville et Anne-Julie Durocher. Sinon, lundi à l'émission, on aura Simon Fitzbay, sa chronique de nouveautés musicales, Fitbeat. Ensuite, Sébastien Dulude et ses sottises 80s dans Va voir, j'y suis. Et finalement, Alexandra Carignan avec la chronique à spectacle, le temps d'une culture. Je vous rappelle de nous retrouver sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Facebook.com/assemblagerequis, Twitter.com/asrequis et puis assemblagerequis@gmail.com. On se quitte là-dessus. Restez là pour le dîner de compte en tout à 11h. Les Palmarès c'est fou avec, entre autres, David Ferron. Encore? Stéphanie Paradis et Maxime Tanguay entre 15h et 18h. Puis c'était après ça, on se retrouve lundi à 7h. Ben oui, écoute, bonne fin de semaine, Mathieu. Nice weekend! Oui! Ouais, à vous tous aussi. Dis salut à Marie Melon. Bon, au revoir, Marie Melon. Et elle de répondre. Elle vient de jouer en mode. En wow. fait, Marie Melon, quand elle dit plus que 10 phrases, son cerveau saute. C'est trop compliqué pour elle de dire une 11e phrase avec sujet, verbe, complément. Comme tous ses collègues. elle saute. Ah! Partie de la chanson, pas. Oui, ça va être moins gênant. Bye! OK, là. Ça va pour de vrai, là. C'était ben trop. Tout est dans mes cordes, je sais tout faire, même enterrer mort. Sous terre, j'ai la clé de ta porte. Je suis dans ta chambre. As-tu des rêves à me vendre? Ferme la lumière. Je sais que tes mains me sont ouvertes toutes grandes. Qu'on s'envole en flammes, qu'on atterrit ensemble. Hallelujah, save my soul. Et je partirai. J'attends dès ton tour de sauter dans reste, j'ai du champagne et des cigarettes. Arrête la compagnie en chantant. Emmène-moi dans ta chambre, quitte à marcher pour des quilles. Mon maître, tu sais que le monde est une bête qui gronde, qui guette son prochain plat tapis dans l'ombre. Yes, c'est ma soul et je partirai. Affamé comme un ours, j'ai bien envie de te faire la cour. On se plaît dans l'ivresse, la drogue et le sexe. Dis-moi chérie, veux-tu faire l'amour? On continue de vivre dans un conte de fées, dans un livre de cap et d'épée. Alléluia, merci, mais et je partirai. Partirai, partirai, partirai. Oh, oh, que tu suivais de là.